6h-9h sur Fun Radio. Et bonjour à vous, dans un instant Justin Timberlake, Dero, encore Calvin Harris. Voilà ce qui va débarquer pour le son Dance Floor. C'est Evan, c'est la tribu, dernière ligne droite avant les vacances. Il est 5h59 et 30 secondes. Fun. Bienvenue tout le monde sur Fun Radio, bon mardi à tous, il est 6h pile, on s'informe avec Jean-François, salut Jeff. Bonjour Justine, bonjour à tous, le parquet de Paris a ouvert une information judiciaire dans l'enquête sur le vol MS-804 d'Égypte reliant Paris au Caire, qui s'était abîmé le 19 mai en Méditerranée avec notamment 40 Égyptiens et 15 Français à bord. L'information judiciaire est ouverte pour homicide involontaire, ce qui constitue une procédure classique du fait de la présence des ressortissants français parmi les victimes. L'hypothèse de l'attentat initialement mise en avant par l'Égypte a cédé du terrain au profit de celle de l'incident technique. L'examen des boîtes noires a débuté il y a 8 jours maintenant et cela risque de prendre un certain temps avant de connaître les causes réelles de ce crash qui, pour rappel, fait 66 victimes. Une partie des contrôleurs aériens seront en grève en France aujourd'hui, un mouvement qui aura des conséquences sur certains vols Ryanair au départ de Bruxelles Airport. Les vols concernés sont ceux entre Bruxelles Airport et Barcelone, mais aussi Alicante. Sur son site internet, Ryanair explique s'attendre à d'autres perturbations. Les clients seront mis à jour sur l'état de leur vol par email ou via le numéro de téléphone mobile fourni lors de la réservation. Si vous devez prendre un avion avec Ryanair, on vous invite donc à suivre le statut de votre vol en ligne sur le site de la compagnie aérienne. L'Allemagne, la France et l'Italie ont annoncé vouloir proposer une nouvelle impulsion au but projet européen après le vote en faveur du Brexit et exclut toute négociation avec le Royaume-Uni tant que la demande de sortie de l'Union européenne n'aura pas été formalisée. La chancelière allemande Angela Merkel a notamment souligné que des avancées étaient envisagées dans les domaines de la défense, la croissance, l'emploi et la compétitivité, tout comme le président français François Hollande qui a jugé qu'il ne fallait pas perdre de temps pour répondre aux défis proposés par le Brexit. Dans une déclaration commune aux contours encore très généraux, les trois dirigeants se sont fixés trois priorités essentielle, la sécurité intérieure et extérieure, une économie forte et des programmes ambitieux pour la jeunesse. Depuis les résultats du référendum favorable au Brexit, les Britanniques de la capitale sont de plus en plus nombreux à se tourner vers les administrations communales pour s'informer ou demander la nationalité belge. La ville de Bruxelles a reçu depuis vendredi matin plusieurs demandes d'informations par email, des appels téléphoniques et des personnes au guichet de l'état civil des différentes communes. Le département naturalisation dans différentes communes a d'ailleurs été renforcé ces dernières semaines pour anticiper les éventuelles demandes qui risquent encore de s'intensifier dans les prochains jours, voire les prochaines semaines.

Deoro dans un instant avec Calvin Harris, c'est ce qui va arriver pour le son Dance Floor. Bonjour à vous, 6h06, c'est mardi aujourd'hui, nous sommes le 28 juin. Bonjour à vous les amours et bienvenue, j'espère que vous êtes en pleine forme pour ceux qui sont déjà en train de travailler depuis très tôt ce matin, ceux qui sont peut-être en mode réveil, je remettrai bien le réveil une heure plus tard, c'est ce qui m'est arrivé ce matin. J'aurais bien aimé redormir encore, je me suis réveillé tout seul, je fais oh putain il est 5h, je me suis réveillé avant le réveil de 5h10 et là j'avoue que j'aurais bien fait dodo un petit peu plus longtemps. Ah bon, je vous présente toute l'équipe qui est là autour de la table qui s'est installée. Justine, bonjour. Hello. Alors Justine qui est toute en blondeur, on vous expliquera tout à l'heure pourquoi. Sans, ouais. Ce qui est génial c'est que c'est sans faire de teinture. Blondeur et rougeur, tels sont les deux termes utilisés par Justine ici en direct du club Bellambra de Seignos. Ça va, ça te crame pas trop le visage? Ça pique un peu quand même. Attends, mais c'est vrai que c'était une luciole. Voilà, on dirait une luciole ce matin. Tu luis complètement. Lui aussi, lui, c'est le Khalid du jambon. Bonjour Khalid. Salut Evan, salut tout le monde, et je suis pas encore en blondeur. Par contre, le petit coup de soleil sur le pif ce matin, il est pas mal. Hein. Ouais, j'ai un coup de soleil. Tout en rougeur. Hein. Ça pique pas pourtant. Et ça, c'est parce qu'en fait, Justine et Khalid ont fait des activités tous les deux ensemble hier. Ils ont fait du water polo. Pendant que tu dormais comme un papy, on le dit ça ou pas? Tu peux le dire, mais non, je ne dormais pas. J'étais en train de picoler avec Jean-François. Après, on a dormi. Le gros dos de ouf là. Après, on a dormi, mais on était avec nos auditeurs Nathalie et. Comment il s'appelle? Christopher. On voit que t'étais plus avec Nathalie qu'avec Christopher. J'avoue. Et donc, en fait, on a mangé un petit peu à la cantine, tranquille, enfin, cantine, très bonne cantine. Et puis, Nathalie, notre auditrice, nous a servi du rosé à consommer avec modération. Sauf que Jean-François et moi, on l'a consommé sans modération. Ma modération, elle reste à Bruxelles, je crois. Avec des glaçons. Et je crois qu'on, c'est les gens de la cantine qui nous ont dit faut partir maintenant. Mais vraiment, il y a un monsieur qui m'a dit écoutez, ça fait 10 ans que je travaille, mais là, non, là, finir à 15h, 15h30, c'est pas possible. Alors que la cantine fermait à 13h30. C'est un vrai bon moment. Ensuite, moi, je suis parti dormir une demi-heure. Et Jean-François est parti dormir 3h30. Oh, c'était magique. Et on a des photos de Jean-François dans le lit. C'est quel dossier. Mais d'une beauté. Alors attends, faut qu'on vous raconte quand même que quand on est rentré dans la chambre de Jean-François, en fait, il avait son téléphone à la main. En main, ouais, et qui est en train de se charger en plusieurs. Ouais. Mais c'est juste qu'il était fatigué parce qu'il avait pas beaucoup dormi aussi la veille. Et puis après, c'est vrai que le rosé. 4 heures quand même, hein, la veille, le voyage, plus préparer de billets d'infos et tout. Et après, c'est vrai que et tu bois 2 verres de rose pif et puis ça te flingue. Hein, ça te flingue. Plus la chaleur, parce que hier, faut savoir qu'il faisait genre 26 degrés. Ah ouais, et qu'on était dehors avec le soleil qui nous tapait sur la tête. Donc c'est pas évident. C'est génial avec Jean-François quand il a bu et qu'il dort, on va dire, de manière inopinée, il se débrouille toujours pour finir torse nu. Mais c'est vrai, c'est incroyable. En fait, t'as un côté exhibe, t'aimes bien montrer ton corps. C'est ça. Jean-François qui est là pour l'info, la météo, l'info trafic s'il y en a aujourd'hui, puisque c'est la dernière semaine avant les vacances, on sent quand même que c'est déjà largement plus calme que d'habitude. Pour le son Dance Floor, Calvin Harris et Rihanna, c'est ce qui arrive. C'est Calvin Harris tout seul, non? Peut-être. Ah oui, elle est pas là, Rihanna. Voilà. Et non, il est pas tout seul. Il y a Ellie Goulding qui arrive, qui est avec lui. Calvin Harris et Ellie Goulding, et puis il y aura Deoro, ça c'est sûr, il arrive. Deoro, il est pas tout seul, il est avec Elvis, comment il s'appelle? Elvis machin? Elvis Robert, je crois, un truc comme ça. Qu'est-ce que je voulais-t-il vous dire? Je crois qu'il y a des fantômes ici au club Bellambra de Seignos. On a tous été en même temps à regarder des trucs qui tapaient dans la salle alors que nous sommes tous seuls dans la salle Goofy. C'est la salle Goofy qui nous accueille. Bon, je vais casser le mythe, hein. C'est juste le camion Ben qui vide les poubelles. Oh merde. Ah bah on s'est gouré, on s'est totalement gouré. Justine, est-ce qu'on fête des prénoms aujourd'hui? On fête les Irénées seulement. Voilà. Irénées. Bonne fête à vous les Irénées, bon anniversaire si vous êtes nés un 28 juin. Parlons des cadeaux de la semaine, qu'y aura-t-il à gagner d'ici 9h? On vous offre des chèques de 200 euros pour que vous puissiez vous offrir des Nike personnalisés. Vous en faites ce que vous voulez, alors à partir du moment où vous jouez par SMS et que vous êtes rappelé et que vous décrochez, vous pourrez donc repartir avec ces magnifiques 200 €. Ils sont plus beaux que les autres pour essayer de personnaliser vos Nike. Comment jouer? C'est super simple, vous envoyez le code Nike, N-I-K-E, par SMS au 6322. C'est 1 € par message. Calvin Harris, voilà ce qui arrive maintenant avec Ellie Goulding. Et juste derrière, nous parlerons des sports que nous avons essayés hier. Et hier, nous avons essayé pour la première fois le surf. C'était assez laborieux. À tout de suite. I need your love, I need your time. When everything's wrong, you make it right. I feel so high, I come alive. I need to be free with you tonight. I need your love. Sur Fun Radio, dans un instant, le son de Deoro. Je vous ai calé du Mike Posner. Il y aura l'horoscope aux alentours de 6h20, l'horoscope de l'amour et de l'amitié. Nous sommes là jusqu'à 9h en direct du club Seignos, les Tuquets, au bord de l'océan Atlantique. Alors, il faut savoir que hier nous avons commencé des petites activités dont on va vous parler. Il faut savoir qu'on voit d'ici la frontière espagnole et Biarritz. Et c'est vraiment, c'est juste beau. Voilà, il n'y a rien à dire de plus. C'est beau, c'est magnifique, c'est superbe. Et surtout, le club Bellambra qui nous reçoit est juste magnifique avec des gens super adorables. Un mot donc sur l'activité que nous avons essayé hier. Nous avons essayé le surf. Un petit résumé de ton essai, toi Justine. Je suis devenue blonde et bronzée comme les vrais surfeurs. D'accord, et t'es resté combien de temps dans l'eau toi? Parce que j'ai pas suivi trop. Quasiment jusqu'à la fin. Je suis sortie je pense 10 minutes avant la fin du cours. Ah oui, toi t'as tout fait. Ouais. T'as réussi à te lever ou pas? Non, à croupi. Mais pas totalement debout, non. C'était génial parce qu'elle était à quatre pattes sur la planche. On s'est régalé de dos. Jean-François, toi aussi, tu étais à quatre pattes sur la planche et on s'est régalé de dos. Comment on s'est fait cet essai de surf? Écoute, moi, je vais avouer très sincèrement que j'en suis resté à la position à plat ventre sur la planche, qui était déjà pas mal de trouver la stabilité. Toi, t'es resté à la position de je suis à plat ventre et j'attends qu'on me donne du plaisir. Non, mais par contre, j'ai la sensation quand tu te laisses glisser là sur la vague, c'est terrible. Oh oui, quand tu te laisses glisser. C'est important. Khalid, l'essai du surf. Mais moi, j'ai réussi à mettre debout, mec. Ouais. Mais la planche était sur le sable. Tiens, il y a Sandro qui est à la réa virtuelle ce matin. Vais, hein. Attends, Sandro, est-ce que c'est quoi ton micro déjà? Oui, bonjour, c'est le 6. Bonjour, vous êtes super. Ça va, mon Sandro? Mais bien, et vous? Bon, très bien. Alors, toi, t'as kiffé le surf, hein? Ah, j'ai bien kiffé. Mais grave, t'as un peu râlé parce que t'arrivais pas parfois à te mettre debout trop sur la longueur. En fait, ce que j'ai râlé, c'est que j'ai réussi à me mettre une fois sur la planche, donc debout, et plus moyen après de le refaire plusieurs fois. Non, c'était vraiment chouette, hein. Les vagues étaient pas trop fortes. Ouais. Et je pense que c'est Sandro qui gérait le mieux dans toute l'équipe. Ah ouais, bah bravo Sandro. Hein. Ouais. Merci, vrai. Merci, j'attends ma médaille. C'est déchiré. Et bah on va recommencer demain du coup. Nous on a repris un cours particulier. C'est à quelle heure déjà? Je sais plus. C'est donc, pas 13h quelque chose? Je sais plus. Enfin bon, bref, de toute façon, les auditeurs s'en foutent complètement. On va recommencer. Alors, dans les dossiers du jour, sachez-le, on va réécouter les meilleurs moments des deux dernières saisons. Il y aura le petit déj gratos tout à l'heure. Et petit déj gratos, Justine, c'est assez particulier parce qu'on aura plusieurs villes en même temps aujourd'hui. On sera dans 10 villes ce matin en fait. Donc, dans les 10 villes, je les cite ou pas? Tu peux les dire déjà dès maintenant. On sera à Gembloux, à Andenne, à Jemeppe-sur-Meuse, à Jemeppe-sur-Sambre, à Carnion, à Gosselies, à Verviers, à Moucron, à Couillé et à Fontaine-l'Évêque. Voilà, le rendez-vous des adresses, ça sera tout à l'heure à partir de 7h15 dans un peu moins d'une heure. My Posner pour la suite du son Dance Floor, c'est ce que je vous ai calé. Et dans les gros dossiers du jour, nous allons entendre des séances d'enregistrement avec les voix officielles de Fun Radio. Lorsque ces voix sont enrhumées et on la crève, c'est juste des barres de rire, ça sera tout à l'heure. Voici Déro sur Fun, Bailar. Mami, yo sé que te va a gustar. Despacito, mami, yo sé que te va a encantar. Mueve, dale, vamos. Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Mueve, dale, más sabrosito. Vamos a bailar. ¡A la cosa! Sur Fun Radio, nous sommes mardi le 28 juin. Nous sommes en direct du club Bellambra de Seignos jusqu'à 9h. Mike Posner, c'est ce qui va arriver dans quelques instants. Et nous aurons tout à l'heure l'occasion de parler évidemment de l'équipe d'Islande qui a suivi le match hier entre l'Islande et l'Angleterre. L'Angleterre qui a été dégagée par l'Islande 2-1 pour le score final. Bon, on a regardé la fin du match parce qu'on a participé au quiz qui était organisé par l'équipe d'animation ici qui était en même temps. Donc, mais c'est vrai que c'est la très grosse surprise de l'Euro. Et franchement, l'Angleterre qui dégage comme ça. Et moi, j'ai regardé un petit peu les Islandais. Ils vont tomber contre la France. Ce sera dimanche. Et il joue magnifiquement bien. Hein. Je sais pas si t'as pu voir Khalid parce que tu t'es endormi tôt visiblement. Ah, j'étais KO. Mais allez-y hein, sur vos commentaires. L'Islande qui a gagné hier, SMS 30-44 sur le Facebook de l'émission Evan et la Tribu. Les Islandais qui jouaient en bleu. On aurait d'ailleurs que leur maillot était comme celui de l'équipe de France. Donc je sais pas du coup comment ils vont faire contre l'équipe de France qui joue en bleu d'habitude. Ils vont faire quoi? Ils font un pile ou face dans ces cas-là? Ils font un pique-nique douille Ils vont jouer torse nu. Ils font comme celui qui font pipi le plus loin. Moi je pense que la France qui joue à domicile va jouer en bleu. Que les Islandais vont devoir changer de couleur. Il serait de quelle couleur alors? Pour qui? Pour les Islandais ou pour les Français? Pour les Islandais. Du coup, quelle couleur? Si vous savez, SMS 44. Ils ont joué qu'en bleu pour l'instant. Hein. Et alors, vous savez qu'il y a un joueur qui a fait un truc incroyable parce qu'il y a 320 000 habitants en Islande. Hier, ils étaient 30 000 en France et peut-être 30 000 même dans le stade où ils ont joué. Et en fait, il y a un joueur islandais de l'équivalent de D1 hein, en Islande qui a loué, écoutez bien, un Boeing 747. Pour emmener je ne sais plus combien de personnes, je sais pas combien ça tient, jusqu'au stade de Nice pour aller voir le truc. Et le billet, il a pas offert les trucs aux gens, le billet était à 900 €. Donc il a loué le Boeing et il a dit voilà, vous remplissez le Boeing, la place elle est à 900 € et je vous emmène voir le match à Nice. Classe hein. C'est ouais, génial, c'est bien. Merci pour vos actions de merde. Et bon, j'ai du mal à vous tirer les vermines. C'est cher hein. De quoi, 900 €? Bah oui, quand même. Pas du tout, pour les gens pleins de pognon, pour nous, tu vois. Plaisante. Justine? Non, j'allais dire que leur maillot extérieur, c'est donc un maillot blanc non, avec une grosse ligne rouge. Voilà. D'accord, donc blanc et rouge et bleu pour les Français, c'est ce qui va rester. Vos pronostics, rapido, est-ce que, à votre avis, l'Islande va continuer à vraiment avancer grave dans cet Euro ou pas du tout? Moi, je pense pas parce que j'ai prévu une finale France-Belgique, donc... ça t'arrange. Jus? Ah, pardon. Je sais pas. Franchement, j'en ai aucune idée. Parce que j'ai pas vu le match. Si, moi je pense l'Islande a ses chances contre la France. Hein, ouais, franchement. Ouais, moi ça m'a fait un petit peu peur parce qu'évidemment, mon cœur bat entre la France et la Belgique. Et j'ai peur vraiment que l'Islande, mais c'est bien pour eux, aille sacrément loin dans l'Euro. Vos pronostics, SMS 3044. My Postner, c'est ce qui arrive pour le Sundance Floor. Aïe, tout que pile! Aïe, tout que pile! Asenios! L'horoscope! Voici l'horoscope de l'amour et de l'amitié, les béliers tout d'abord. Votre mardi s'annonce plutôt bon avec une grande nouvelle. Les taureaux. Restez plutôt en retrait et attendez la fin de semaine pour agir vraiment. Gémeaux. Vous êtes ouvert à tout, peut-être même à un peu trop de choses. Cancer. Vous saurez parfaitement parvenir à vos fins à la fois avec douceur et détermination. Lion. Ne soyez pas timide et osez de nouvelles aventures. Vierge. Vous devez rester dans les choses concrètes ou du moins dans ce que vous savez faire parfaitement. Balance. Vos rapports de couple seront plus difficiles que prévu. Les scorpions. Au programme de la journée, stress en matinée. Mais soirée idéale. Stress en matinée, je dois jouer au tennis avec Jean-François à 10h, ça m'inquiète. Sagittaire. Votre partenaire va vous demander d'innover dans votre relation. Il jouera nu. Capricorne. Et c'est le jour pour montrer de quoi vous êtes capable au boulot. Verseau. Vous comprendrez enfin le sens du mot amour. Et on termine avec les poissons. Il est grand temps de faire la différence entre vos amis et ceux qui veulent juste profiter de vous. Il est 6h24 sur Fun Radio. L'horoscope. Un bon plan ? C'est ne pas devoir choisir entre s'offrir un nouveau smartphone et partir en vacances. Oh, un nouveau smartphone! Ah oui, ça sonne bien ça! Ou des vacances au soleil! Ah, oh, ça sonne plutôt pas mal non plus! Et si je m'offrais les deux? C'est possible! Jusqu'au 15 août, le Samsung Galaxy J5 est à seulement 29 € avec Dauphin 25 smartphones dans votre shop Orange. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Conditions sur orange.be. Fun Radio. Le son. Dance Floor. She's Miss California. Heard a thing that wants to lay. Housing by the water. Save the yacht across the bay. Drive the Marinello. Hollywood's a favorite scene. Loves to be surrounded. The superstar, they know her name. Mais je résiste. Loin, je dois rester loin de cette fille-là. Pourtant, même si tout nous oppose, raison ou tentation, pourtant j'hésite. Lorsque je plonge dans ses yeux noirs, c'est toujours la même histoire, la même envie de la serrer fort contre moi jusqu'au bout de la nuit. She's Miss California. Heard a thing wants to lay. Housing by the water. Say the yacht across.

Moi j'ai notamment des auditrices espagnoles. Je pense à Kenza notamment, qui m'a envoyé un message à minuit et demi. Bon, je dormais, hein, Kenza, et qui m'a dit je pleure depuis tout à l'heure, je ne m'en remets pas. Voilà, l'Espagne qui a été dégagée hier par l'Italie. Il paraît que l'Italie était extraordinaire. Moi j'ai pas vu le match, hein. Ouais, ils ont fait un match terrible. L'Espagne était vraiment très décevante. Moi j'ai vu le match avec Jean-François. Ils étaient endormis, ils étaient à l'heure de la sieste, c'est pour ça, hein, Jean-François. L'Italie a joué comme contre la Belgique, elle a réussi à marquer assez rapidement, elle a fait un match très intelligent et appliqué. Chapeau aux Italiens. Un petit bisou à toutes celles, tous ceux. Il y a les heureux, les malheureux ce matin, évidemment, hein, et les communautés italiennes ou espagnoles qui partagent plusieurs territoires de la Belgique ce matin. On pense très fort à vous. Zach Noël et Sean Paul, dans un instant pour le son Dance Floor. Make the trumpets blow. Bienvenue à tous et bon réveil sur Fun Radio. Il est 6h31, l'heure pour nous de s'informer avec Jean-François. Salut Jeff. Bonjour Justine, bonjour à tous. L'Allemagne, et la France et l'Italie ont annoncé vouloir proposer une nouvelle impulsion du projet européen après le vote en faveur du Brexit. Elles ont exclu également toute négociation avec le Royaume-Uni tant que la demande de sortie de l'Union européenne n'aura pas été formalisée. La chancelière allemande Angela Merkel a notamment souligné que des avancées étaient envisagées dans plusieurs domaines, tout comme le président français François Hollande, qui a jugé qu'il ne fallait pas perdre de temps pour répondre aux défis proposés par le Brexit. Dans une déclaration commune aux contours encore très généraux, les trois dirigeants se sont fixés trois priorités essentielles: la sécurité intérieure et extérieure, une économie forte et des programmes ambitieux pour la jeunesse. Le constructeur automobile Volkswagen devra au total verser près de 15 milliards de dollars, soit 13,6 milliards d'euros, pour échapper à un procès aux États-Unis dans le scandale de ses moteurs diesel truqués. La présentation de ce plan à la justice doit clore un long et difficile processus de négociation entre le géant allemand et les autorités américaines, mais ne mettra pas totalement fin au tracas judiciaire de Volkswagen. Le groupe propriétaire, entre autres, des marques Volkswagen, Audi, Porsche et Seat, reste ainsi visé par l'enquête pénale du ministère de la Justice et des plaintes collectives. Volkswagen, qui a admis avoir installé des logiciels truqueurs dans 11 millions de moteurs diesel dans le monde, est par ailleurs l'objet de plusieurs investigations en Europe. Chez nous, les consommateurs payent depuis 6 mois déjà une taxe de quelques centimes sur les boissons sucrées, sans pour autant que ces boissons soient délaissées. Pour compenser, les amateurs se tournent vers les supermarchés discount qui n'offrent pas de marque, ou vers les magasins à l'étranger. La taxe sur les boissons sucrées a été introduite par la ministre de la Santé publique Maggie De Blocq pour inciter les Belges à adopter un mode de vie plus sain. Mais 6 mois après l'application de cette taxe, la vente des sodas ne chute pas. Un Belge sur 5 achète de l'eau et des boissons rafraîchissantes à l'étranger. Les quantités qui sont achetées continuent elles aussi d'augmenter, de 162 litres par personne en 2012. On est à 166 litres en 2016. Quelques 54% des étudiants exercent une activité rémunérée pendant l'année scolaire. Bien que cette proportion a presque doublé depuis 2004, elle baisse pour la première fois. En 2014, 57% des étudiants affirmaient travailler pendant l'année scolaire. La plupart des étudiants travaillent pendant l'année et les vacances. Seuls 10% ne travaillent que pendant l'année et 3% uniquement pendant les congés scolaires. Quelques 16% des étudiants n'exercent par ailleurs aucune activité rémunérée et ne sont pas engagés bénévolement. L'engagement bénévole reste d'ailleurs stable autour des 30% malgré l'augmentation du nombre de jobistes. En sport, en football, les deux derniers qualifiés pour les quarts de finale de l'Euro sont connus. L'Italie, qui a battu l'Espagne 2-0, jouera samedi en quart de finale contre l'Allemagne. L'Islande a de son côté forcé l'exploit en battant l'Angleterre sur le score de 2-1. Au terme d'un match complètement fou, le sélectionneur anglais Roy Hodgson a annoncé sa démission dans la foulée de l'élimination des Anglais. Les Islandais en quart de finale, c'est sans doute la toute grosse surprise de cet Euro. Ils auront la France pour adversaire en quart de finale. Pour rappel, les quarts de finale débutent jeudi avec Pologne-Portugal. La Belgique jouera contre le Pays de Galles vendredi. L'Italie affrontera l'Allemagne samedi et la France jouera donc contre l'Islande dimanche au Stade de France. Avant le retour du son Dancefloor, un coup d'œil à la météo du jour. Le temps devrait rester sec partout en Belgique avec des apparitions régulières du soleil. Les nuages referont ensuite leur apparition et des pluies sont attendues dans la soirée et la nuit prochaine. Les maxima de température seront compris entre 17 et 21 degrés. Prochain rendez-vous de l'info à 7h et tout de suite c'est le son Dancefloor sur Fun Radio avec Zach Noël et Sean Paul. Taré comme jamais, tous les matins 6h-9h, Evan et la tribu sur Fun Radio. Bobble, bobble, bobble, set it. You see that girl with the big tic tac, she fait gimme the gimme the. Head to the floor, girl, gimme the gimme the. Bend over, girl, and gimme the spit down to the ground, seismic activity. Spin round me, girl, and gimme the top wine, girl, and gimme the gimme the. Body look fine, girl. Permanent. trumpets blow. Sing it on a comedy, comedy. And them say you have the comedy, comedy. So me won't get some and come trouble, trouble. Bust two buckle of the bubbly, bubbly. Call in two friend and then double, double. Girl so hot, she a bubbly, bubbly. And she know when she got, she a carry me remedy. Body look good, girl, you ever be winning it. Turn it up right, girl, you never be dimming it. Take up your body, cause you're in your element. Pony body, me take up a permanent president. Trumpets blow. Sur Fun Radio, mardi 28 juin, c'est aujourd'hui. Bon réveil à vous les doudous, bonne matinée, bon courage à tous ceux qui taffent déjà. Dernière ligne droite avant les vacances en ce qui nous concerne, entre 6h et 9h, deuxième saison d'Evan et la tribu. On va partir en vacances et ne plus mettre le réveil à partir de samedi, ça va être du pur bonheur. On va lire vos messages dans un instant, il y aura également la phrase Facebook du jour avec Khalid et Justine. Rappelons que c'est dans plusieurs villes, plusieurs villages ce matin que nous allons payer le petit-déj gratos. On donnera toutes les adresses tout à l'heure à partir de 7h05. Est-ce que tu peux nous rappeler à quel endroit ça se fera? Attends, ah, ton micro ne fonctionne pas, décidément. C'est bon, c'est voilà. Bon. On sera donc dans 10 grosses villes ce matin. On sera à Jambloux, à Andenne, à Jemeppe-sur-Meuse, à Jemeppe-sur-Sambre, à Carnion, à Gosly, à Verviers, à Moucron, à Couillé et puis aussi à Fontaine-l'Évêque. Voilà, donc 7h05, soyez au rendez-vous. Petit déj gratos comme on le fait maintenant depuis 2 ans. Ce sera dans plusieurs villes avec la complicité d'une grande chaîne de boulangerie. Toutes les adresses dès 7h05 aux alentours. Imani pour le son Dance Floor, voilà ce qui arrive. Il se réveille avec nous comme chaque matin. Un petit bisou à Pierre qui est là, à Kevin, à Rodolphe, à Céline également, à Marine. Marine Villain-Porty, elle s'appelle. C'est, oh. Ça, c'est pour un mec qui travaille en boîte. C'est un pléonasme en fait. Villain-Porty, on te fait un gros bisou. Gros bisou à Alice. Alice Hérault qui est une auditrice qui nous écoute souvent de la France sur funradio.be. On a notre Laurence qui est là, toujours fidèle. Et puis on a Patrick et Willy également, à qui nous souhaitons un très bon réveil. Vos messages sur le Snapchat de l'émission arrivent avec vos petites photos matinales. Justine, top, c'est parti. Elena nous dit hello les rondelles, merci de nous accompagner chaque matin. Encore 2 jours de boulot et puis enfin je serai en vacances. Salomé, coucou la tribu, pouvez-vous faire un big up s'il vous plaît à ma cousine Léa qui vous écoute. Et puis Corentin, la finale de rêve pour moi pour l'Euro, ça serait la France contre la Belgique, bien évidemment. Ouais, mais pour nous ça va être très difficile d'arriver à choisir un camp véritablement, à part si on est malhonnête et se dit bon, de toute façon quoi qu'il arrive on gagnera la finale si on supporte les deux pays. Khalid, les températures un petit peu partout, c'est tous nos auditeurs qui nous donnent ça le matin. On prend la petite température et la météo qui va bien. 13 degrés sur Arlon, c'est signé Raph. Anaël nous signale 15 degrés à Tournai, 14 degrés à Liège, merci à toi Chris. Et alors 13 degrés sur Anderlecht et viva la squadra, c'est Fabrizio qui dit ça. Est-ce que vous vous êtes embrassés hier, Justine et Khalid? Pourquoi? Non, parce que vous êtes quand même tous les deux à avoir la voix cassée. Je vais t'expliquer, c'est très simple. Enfin, je sais pas, c'est quoi on ta version? On a fait un tournoi de waterpolo et on a gueulé comme des malades parce qu'on était dans deux équipes adverses. En fait. En plus, et surtout que moi j'ai fait l'arbitre, donc je te raconte pas comment j'ai gueulé sur tout le monde. Oh, putain. Et t'avais un sifflet du coup au waterpolo? C'était pas un sifflet, c'était un espèce de pouette. Ah ouais. Oui, parce que c'est vrai que le sifflet sous l'eau, c'est on se fait. Mais t'es pas sous l'eau, l'arbitre est au-dessus. Hein. C'est vrai? Bah oui. Ah, moi je pensais que dans le waterpolo, ils faisaient l'arbitrage sous l'eau, les mecs. Ils étaient avec des bouteilles d'oxygène. Juste petit détail, pour le match waterpolo hier, j'ai appelé toute la journée Justine la Méduse parce qu'elle avait un bonnet et avec les cheveux qui dépassaient, c'était totalement ça. Ouais, on pourra mettre une photo. En fait, on était comme dans deux équipes différentes. Lui avait un bonnet rouge et blanc et moi un bonnet jaune et vous étiez blanc, beau avec vos bonnets. Ah, c'était n'importe quoi. Surtout vous avez mis des bonnets sans doute qui ont été portés par des gens qui ont des du cuir chevelu un peu crâne. Ah oui, c'était neuf. Ouais. Ah, le mien, on aurait dit que c'était un avant, c'était un slip. 6h42, voici la phrase Facebook du jour. La phrase Facebook est la suivante. Une vieille dame m'a demandé le chemin le plus court pour trouver l'hôpital. Je l'ai poussé sous le bus, même pas un merci. Bon salut nos amis grands-parents. Tidèche gratos. Déconne et son dance floor. Evan et la tribu, 6h-9h sur Fun Radio. Take a breath, rest your head, close your eyes, you are right. Just lay down to my side. Do you feel my heat on your skin? Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right. Hold my step, I'm in command. Can you feel my hips in your hands? And I'm laying down by your side. I taste the sweet of your skin. Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why. In the dark, I see your smile. Do you feel my heat on my skin? Take off your clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right, you're right. Take off my clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right. Take off my clothes and bless me further. Don't ask me why, don't ask me why, don't ask me why. Il est 6h45 pendant que Sandro essaye de se taper Justine là pendant la chanson. On va parler des Diables Rouges. Justine, pour toi, quels sont les joueurs vraiment emblématique des Diables. Hazard. Ok, Khalid. De Bruyne. Et De Bruyne, comme ils disent en France. De Bruyne, ouais. Oh là là. On écoutait les commentateurs français là dimanche. Alors, Kevin De Bruyne, tu passes devant. Jean-François, pour toi. Sans hésitation, Eden Hazard. D'accord. Alors, il y a, à propos d'Eden Hazard, visiblement, une chanson qui a été faite à sa gloire, à son honneur. Explique-nous tout. Effectivement, c'est un groupe bruxellois qui s'appelle Keeper Volant, ça ne s'invente pas. qui a fait, ils ont fait un petit clip d'animation, donc c'est 100% pur punk. Et ça donc c'est pas dance floor, hein, c'est non, ça. Non, c'est pas dance floor du tout, mais c'est assez marrant à écouter. Ce que je vous propose, c'est qu'on va entendre le son de Martin Solveig, et puis juste derrière, on va revenir avec justement cette chanson à la gloire d'Eden Hazard qui a été publiée, qu'on a trouvé pour vous cette nuit, et on écoutera un petit extrait. Martin Solveig à suivre avec Do It Right sur Fun Radio. Tous les soirs, dès 23h, Libertad, l'open space avec Mike sur Fun Radio. Oui, donc voilà, je disais que je trouvais que ma fille n'était pas belle. Elle a 6 mois. C'est-à-dire, qu'est-ce qui te plaît pas? Elle est trop potelée, elle a pas de cheveux, pas de cheveux. T'es sûr que t'as pas accouché de ton grand-père? Encore ce soir à 23h pour le retour des délires sur Fun Radio. L'Open Space avec Mike, le soir sur Fun Radio. C'est moi, Hip. Les quarts de finale, une formalité pour nos Diables Rouges. Alors vite dans votre hypermarché Carrefour et recevez un pass de la victoire. Et si les Diables Rouges se qualifient pour les demi-finales, vous gagnez une réduction de BAM 10% sur vos prochains achats. 10% Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. Voir conditions en magasin. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Le son dance floor. I worry about nothing. I'm sitting pretty impatient, but I know you gotta put in them hours. I'ma make it harder. I'm sending pick after picture, I'ma get you fired. I know you're always on that night shift, but I can't stand these nights alone. And I don't need but you gotta put in work, work, work, work, work, work, work. You don't gotta go to work, work, work, work, work, work, work. Let my body do the work, work, work, work, work, work, work. We can work from home, oh, oh. We can work from home, oh, oh. Let's put it into motion. I'ma give you a promotion. I'll make it feel like a vacay. Turn the bed into an ocean. We don't need nobody. I just need your body. Nothing but sheets in between us. Ain't no getting off early. I know you're always on the night shift, but I can't stand these nights alone. And I et la tribu sur Fun Radio, c'est ça. Moi, je voulais te dire que je t'aime de tout mon cœur et d'être toi surtout. Mais tu sais que si tu pleures, il comprend pas ce que tu dis. Evan et la tribu, 6h-9h sur Fun Radio. Il est 6h53 sur Fun Radio. Pendant que Sandro essaye toujours de pécho Justine, nous allons continuer cette émission en vous passant Unique dans un instant. Ce sera Merci avant 7h. Party, all of them sexy, sexy, sexy. Watch them just to follow me, follow me, follow me. Sandro, notre réalisateur, on dirait un SDF là. Il est en poncho, en tongue. Ils vont le virer de l'hôtel, tu vois. Ah, mais c'est un truc. Je pense que ouais, les gens, ils vont lui dire ah non, monsieur, c'est. C'est abusé. On dirait chouchou. C'est un endroit privé ici. Ouais, ouais, c'est ça. Il est. On va faire une photo. Il est différent. On va poster une photo avec son poncho. Un euro, s'il vous plaît. Un euro. C'est pas. Tu pourras me faire les vitres, s'il te plaît, Sandro. Pas de problème, monsieur. Il va surtout faire les poches. Et les poches, les vitres. C'est comme ceux et celles qui font la manche au feu rouge juste à côté de chez moi, Anderlecht, là, avenue Franz von Kalken, où les mecs, ouais, ils font la manche et puis hop, juste derrière, ils sortent un GSM genre S5 ou S6. Ils doivent appeler le boss. C'est bon, ça a bien marché aujourd'hui. Ce qui est drôle, c'est chaque semaine différent, ils ont un manque et un membre qui manque. Ça change à chaque semaine, en fait. Alors, il y en a qui sont vraiment dans le besoin, évidemment, et il y en a d'autres, tu sens vraiment l'arnaque. Oui. Diego, elle est bonne ton café ? Très bon mon café. Faites une photo de Sandro, s'il vous plaît, dans l'état où il est. T'as fait quoi cette nuit ? Bah, j'ai dormi. Vraiment ? Ouais, rien de spécial. Tu t'es pas tapé Alison, la stagiaire d'Audrey ? Ah non. Non, ça c'est pas possible. Personne veut se la taper, visiblement. Je sais pas. Alors, oh là là, tu sais quoi, on dirait dans le Père Noël est une ordure. Tu sais la femme de clavier, comment elle s'appelle? Comment elle s'appelle? Zezette. Zezette. En fait, on dirait Zezette. Voilà, c'est ça. La photo que vous allez voir, on va la poster sur le Facebook de l'émission. Non, sur le Snap, elle y est. Sur le Snap déjà. Allez voir le Snapchat Evan et la tribu. On vient mettre la photo à l'instant de Sandro en mode Zezette, comme dans le Père Noël est une ordure. Nous allons écouter maintenant une proposition de Jean-François concernant une chanson d'Eden Hazard. Tu as trouvé ça cette nuit? Ouais, effectivement. Donc c'est une chanson qui un peu punk, vous allez être surpris par un groupe bruxellois qui s'appelle Keeper Volant. C'est bien, c'est juste. Eden Hazard, un joueur qui a du cœur. Eden Hazard, le meilleur des diables rouges. Eden Hazard, il faut voir comment il bouge. Eden Hazard, Eden Hazard. Ça reste en tête, hein? Ou pas. C'est Eden Hazard qui écrit les paroles, quoi. Ben ouais. Il dit quoi, c'est un castard? Eden Hazard, c'est un castard, ouais. Eden Hazard. Alors, artistiquement, c'est quand même à chier, on est d'accord? Non, ça me fait, c'est un plagiat d'une autre chanson, ça me fait. Eden, et tu vois que s'il gagne pas, la chanson ça va transformer en Eden Hazard, c'est qu'un connard! T'es sûr! C'est un truc de ouf! Alors, il y a un truc qui t'énerve beaucoup en ce moment avec l'Euro de foot, Justine, et tu veux absolument en parler ce matin, c'est ton coup de gueule, hein? Ouais, c'est à chaque fois qu'il y a une équipe qui perd ou qui gagne, ben, les gens sur Facebook ils disent, par exemple, c'est par rapport à l'Italie, ouais, je mangerai plus de spaghettis ou de pizza. Si c'est l'Angleterre, ça va être les puddings, machin. C'est super chiant, arrêtez de tout ramener à la bouffe. Franchement, ça sert à rien. Ouais, parce que si c'est le Portugal qui nous bat à un moment ou à un autre, on mangera plus de morue, hein, c'est terminé. Ah, t'imagines, la Belgique perd, je mange plus de couscous, ça n'a aucun sens. Dites-nous ce que vous en pensez, si ça vous énerve comme ça, ces gens qui effectivement râlent un petit peu parce qu'ils ont été battus par une équipe. On reviendra aussi sur un autre fait un peu plus grave après, dont on a parlé Jean-François, je sais pas si c'est vrai. Non, mais en fait, c'est juste que tout le monde du coup a les mêmes blagues sur Facebook et c'est plus du tout original, c'est chiant. Ah bon, ça, est-ce que c'est des blagues? Il y en a pas des. Ah, mais non, ils mettent ça genre en mode blague, comme moi, l'Angleterre qui sort de l'euro, ben c'est vrai. Brexit. Alors à Charleroi, c'est pas aussi rigolo que ça parce que visiblement il y a eu des drapeaux de brûlés. Ouais, j'ai vu il y a un partage, des centaines de partages de mes connaissances, de mes amis sur Facebook qui ont se sont insurgés, je pense avec raison, parce que visiblement il y a des Italiens, heureusement ils ne représentent qu'une minorité de personnes, mais ils ont rien trouvé de mieux que de faire brûler un drapeau belge. Mais pour quelle raison? Parce qu'ils ne jouaient pas. Macaroni là. Non mais oh là là. Ils jouaient pas contre la Belgique. Pourquoi ils auraient pu, je sais pas. Brûler un drapeau espagnol, même si ça se fait pas, mais pourquoi la Belgique? J'en sais rien du tout, mais enfin c'est vraiment triste parce qu'en plus il y a eu plein de scènes de bonne humeur avec nos amis italiens qui faisaient leur qualification hier. Dans le match contre la Belgique, ben, ça s'est super bien passé entre tous les supporters, et là c'est quand même un petit peu regrettable. Bon, si vous savez pourquoi ils ont fait ça, sans doute peut-être des mecs un peu alcoolisés, SMS 3044 pour nous le dire également sur le Snapchat de l'émission Evan et la tribu. 7h, dans un instant ce sera les infos, la météo avec Jean-François, et voici Yannick avec Merci pour aller jusque là.

say, hey, would you come with me? I say, hey, hey, hey, hey, hey, would you stay with me? I say, hey, hey, hey, hey. I say, nous sommes mardi aujourd'hui le 28 juin, 7h09, c'est Evan avec toute ma tribu en direct aujourd'hui du club Bellambra de Seignos, c'est jusqu'à la fin de la semaine. Bonjour! Merci de commencer la journée avec nous, dernière semaine avant les vacances, ensuite on se casse, on ne mettra plus le réveil à partir de samedi, quel bonheur. Alors non pas de pas vous retrouver mais simplement de dormir un petit peu encore, ce matin ça piquait là au réveil à 5h, nous sommes donc en direct du club Bellambra de Seignos, dans le sud-ouest de la France, dans les Landes. Justine est là, bonjour. Sœur Khalid du Jambon est là également, bonjour. Hello. Jean-François, l'info, la météo, l'infotrafic, bonjour. Bonjour. Justine, comment t'as pas écouté, bonjour. Bonjour. Et puis, on va saluer Yolande, qui est du côté du standard, qui est restée à Bruxelles pour accompagner Benoît, qui réalise cette émission à distance. Bonjour à tous les deux, bonjour Benoît, bonjour Yolande. Hello. Bonjour Evan. Ça va bien ce matin? Vous êtes content que l'Islande ait gagné contre l'Angleterre hier? Ouais. Ah, ils sont bien, ils sont, moi je les aime bien ces Islandais. Je trouve qu'ils ont un très beau jeu, moi qui suis pas foot. Je me marquais avec quel niaque, quel art. Hier, il a essayé de marquer un troisième but, donc bravo, et vraiment je supporte l'Islande jusqu'à ce qu'il joue contre la France dimanche, évidemment, là mon cœur va un petit peu changer d'orientation. Le petit déj gratos dans un instant, alors il y en aura plein de villes différentes, hein. On va tout vous expliquer dans moins de 2 minutes, et puis il y a Nathalie qui est là aussi, Nat, notre auditrice, il y a un plein micro qui est en face de toi, il y a celui-ci, voilà, on va lui dire bonjour, bonjour Nathalie. Bonjour. Ça va depuis hier? Oui, ça va bien. Bon, hier on était en mode teuf, hein, hier midi, avec ton copain Jean-François. François et moi, on a tous été faire une sieste. T'as fait une sieste de combien de temps, toi, hier? Ah, on t'entend très mal, attends. On va essayer. Elle a dit 3 jours et demi, en fait. 3 jours et demi. Bon, qu'est-ce que t'as fait hier? T'as essayé le surf, toi aussi? Oui, oui. Comment, t'as kiffé ou pas? Ah oui, super. Ah, c'était génial. Écoute, hein. J'ai découvert des... Je suis témoin, elle est vraiment super balèze parce qu'elle a fait des positions avant que l'instructeur nous le dise. Ah ouais, elle est vraiment balèze, ouais. C'était des positions pour un film. Non, c'est pas le cas, non, elle était juste en poirier, un film comme ça. Tu voulais passer des messages à du monde ce matin, Nat, ou tu veux le faire plus tard? Je le ferai plus tard. D'accord, est-ce que toi t'es réveillé? Bon, plus ou moins réveillé, par contre, ceux oui, que oui. tu veux saluer ne sont pas eux réveillés. Et on a remarqué un truc, je sais pas vous, mais moi, ouais, hier, le surf c'est assez physique, hein, pour ceux qui essayent d'en faire un petit peu, mais j'ai mal aux genoux ce matin, c'est ridicule. Je suis seul ou pas? Tout le monde? Non, c'est les bras. Les genoux et les bras. Les genoux, mais le bout des genoux. J'ai pourquoi le bout des genoux? C'est parce que quoi? C'est sur la planche. La planche qui nous rappe. Eh oui. Le fameux rap à genoux. C'est pour ça. Cheat codes, voilà ce qui arrive pour le son dance floor sur Fun Radio avec Sex dans un instant. C'est pourquoi Justine. Et si je dis c'est pour toi, ne me demande pas pourquoi. Dans un instant, Mathène avec Café Del Mar. Bon, ok, je vais vous le dire. C'est parce que en fait, elle veut pas que je mêle de sa vie. Mais j'aimerais bien que cette semaine, elle se tape un régional de l'étape. Voilà. Régional de l'étape. Ah, voilà. Un géo, voilà, grand organisateur, Raphaël, responsable de l'animation, un cuistot, etc. Mais je peux pas la laisser comme ça. C'est vrai, t'as l'air toute triste, toute mais penaude. J'ai pas besoin qu'on m'aide. Je sais, tu le dis depuis hier midi, j'ai pas besoin qu'on m'aide. Mais ça fait combien de temps que t'es célibataire? Mais ça vous regarde pas. Mais si, ça fait au moins 2 ans et demi, 2 ans de... Non. Tu t'en fous, toi, Jean-François. On voit bien que t'en as rien à faire. Regarde, c'est une jeune fille, elle est triste. Mais je sais bien, mais qu'est-ce que tu veux? C'est une pauvre bête. Ouais, c'est vrai. Faut qu'on fasse un truc, faut l'achever, en fait. Faut l'achever, en gros, c'est ça. Mais non, ne tenez-vous pas. Un appel à candidature, alors. Oh, mais candidature complète, hein. C'est-à-dire? Bah, description du physique, petite vidéo. tout, la totale. Putain, la gourmande. C'est Tinder Feyesh, hein, le truc chiant. Bon, si vous voulez, en tout cas, postuler pour être avec Justine, on avait déjà fait le Justineton. N'hésitez pas à vous faire connaître sur le Snapchat de l'émission Evan et Tribu ou bien directement les SMS au 3044. Allez, petit déj exceptionnel aujourd'hui, écoutez ce qui va se passer. Petit déj gratos sur Fun Radio. Mais à chaque fois, il arrive en retard, alors. Mais oui, non, mais alors, d'abord, on a quelqu'un au téléphone. Yolande, on a qui au téléphone, Doudou ? On a Sarah. Bonjour, Sarah. Il y a toujours un moment de latence. Hein. Ça... Allô ? Ça raccroche. Oui, vous m'entendez ? Oui ! Sarah, bonjour à toi. Comment ça va, ma chérie ? Ça va et toi ? Ben, magnifiquement bien. Alors, Sarah, tu es la coordinatrice marketing de Red Market, c'est bien ça ? Oui, c'est bien ça. Et alors, ce matin, Red Market, tu vas nous expliquer que vous êtes dans plusieurs villes en Belgique. Hein. Il y en a beaucoup ou c'est toutes celles qu'on va citer dans un instant ? Mais en fait, il y en a 10 en Wallonie. Mais peut-être expliquer vite le concept de Red Market ? Vas-y, vas-y. Donc, Red Market, ce sont vos courses sympas, rapides et moins chères. Et on est ouvert 7 jours sur 7. Ah, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 ? Non, quand même pas 24 heures sur 24, mais on a quand même, on commence à 7h du mat et on termine entre 20 et 21h. Donc, Non, mais c'est bien parce que ça veut dire qu'on peut faire les courses vraiment quand on veut et ça c'est vraiment cool. Alors, il y a donc 10 magasins en Wallonie, on va les citer. Il y a Jamblou, il y a Andenne, il y a Jemeppe-sur-Meuse, Jemeppe-sur-Sambre, il y a Carnion, il y a Gosselies, Verviers, Moucron, Couillet ou encore Fontaine-l'Évêque. Et ce matin, dans toutes ces villes-là, chaque auditeur qui vient de la part de Fun Radio va repartir avec le petit déj gratos. Donc vous avez bien entendu ces 10 magasins qui sont en Wallonie. Qu'est-ce que les auditeurs vont avoir s'ils viennent avec le code Fun Radio, Sarah ? Voilà, donc si les auditeurs viennent nous faire un petit coucou, déjà on les accueillera avec le sourire et ils recevront une billetterie gratuite. Alors c'est Red Market et donc il y a le slogan qui va avec Red Market, les courses les moins chères et les plus rapides de votre région. C'est dit, j'ai déjà fait voilà. Le coup de radio, c'est pour ça Sarah. Bon, on met toutes les adresses sur le Facebook de l'émission parce que c'est vrai que chaque magasin a une adresse particulière. Donc Jamblou, Andenne, Jemeppe-sur-Meuse, Jemeppe-sur-Sambre, Carnion, Gosselies, Verviers, Moucron, Couillet et Fontaine-l'Évêque. Voilà pour le petit déj gratos ce matin. Mille merci Sarah, je te fais des gros bisous. Merci, gros bisous et bon petit déj. Merci à toi, Red Market, voilà pour le petit déj gratos ce matin. 7h16, on envoie la suite. Voici le Cheat Codes pour le son Dance Floor. C'est ma chanson. Mais ma chanson, pas seulement pour moi. C'est la chanson pour Justine. Ouais. Parce que c'est la chanson qui me fait penser qu'elle peut pas rester toute seule. Elle peut pas rester comme ça avant l'été. Même si elle devait se taper un matelot, un marin ici au bord de l'Atlantique, on l'emmènerait se faire draguer par un chalutier. Voici le Cheat Codes. Like an animal, and I don't want it to end. Tell me all your dreams in darkest fantasies. Ooh. Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that may be. Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that about sex. Sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things Vous écoutez Fun Radio, il est 7h20. Dans un instant, le son de Maten avec Café Delmar. On reviendra sur le petit déj gratos. 10 villes différentes aujourd'hui, en ce mardi 28 juin. Et il y a une info qui vient de tomber, Justine, dont tu vas nous parler tout de suite. C'est une histoire sur les mots de passe. Oui, c'est le classement des mots de passe les plus utilisés sur Twitter et les réseaux sociaux en général. Alors, dans le classement, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. QWERTY, donc simplement les touches dans l'ordre. Ou bien Password, simplement, qui veut dire mot de passe en anglais. Et puis, alors, on nous révèle aussi que différents comptes de célébrités ont été hackés, donc celui de Katy Perry, Drake et aussi Mark Zuckerberg, donc le créateur de Facebook qui est cofondateur de Twitter. Et alors lui, son mot de passe à lui, c'était Dadada. Donc ça, ridicule quoi. Incroyable de s'appeler Mark Zuckerberg et d'avoir un mot de passe qui fait Dadada. Vous, comment vous cherchez vos mots de passe? Moi, je mets un truc mais totalement au hasard, comme ça je suis sûre que c'est au hasard. Improbable. T'es sûr d'oublier surtout? Non. T'as jamais oublié? Parce que moi, au bout d'un moment, si je mets pas des mots de passe avec une sorte de code dont je me souviens, tu vois, par exemple, c'est vrai que je peux pas le balancer à l'antenne. Par exemple, la date de naissance de mes enfants. Ouais, non, mais par exemple, il y a ça. Moi, alors, je vais jouer avec ça. Moi, je joue beaucoup avec les fréquences de la radio. C'est-à-dire que je mets des lettres, puis ensuite, souvent, quatre derniers chiffres. Les quatre derniers chiffres sont des fréquences de radio en France, en Belgique, etc. Et pour moi, c'est super mémotechnique. Et donc, du coup, là, c'est quand même assez difficile de trouver parce que je dois un plus de fun avec toutes les radios avec lesquelles je bosse en France. Je pense que ça doit faire à peu près 30 fréquences. Donc, il faut déjà réussir à trouver celle-ci. Comment tu fais, toi, Jean-François? Toi, c'est des quoi, des bières? Non, c'est un mélange de mots connus et de dates de naissance de personnes proches. Parce que trouver un mot de passe, c'est pas si compliqué. Le plus dur, c'est de s'en rappeler. Par exemple, quand vous allez vous inscrire, je sais pas, sur Amazon pour commander un truc et que vous venez de créer un compte, vous avez cet exemple-là. Vous devez absolument réussir à trouver un mot de passe original. Comment tu fais, toi, Khalid, pour les mots de passe? Je mets des majuscules et des symboles. Oh, le con. Des hiéroglyphes. C'est ça. Il écrit à l'envers, le mot de passe. De droite à gauche, en fait. Nathalie, notre auditrice, comment tu fais pour les mots de passe, toi? Attends. Pourquoi il marche pas, ton micro? À chaque fois, tu la coupes. Oh. Mais si, normalement, il va marcher. Vas-y, Rodi. Hein, parce qu'elle est trop faible. C'est trop faible, ma doudou. Alors, attends. Voilà, reparle. Oui. Ah bah voilà, c'est bon. Voilà. Donc comment tu fais pour les mots de passe? Écoute, je prends des jours un peu exceptionnels avec comme un peu Khalid, les majuscules, les minuscules et puis. Jour exceptionnel, par exemple, c'est quoi? Saint-Valentin 0 non, 2 12. Non, je vais dire style un jour par rapport aux enfants ou des personnes assez proches, par exemple. Comment vous faites pour les mots de passe? Dites-le nous par rapport à l'article que nous a donné ce matin Justine. SMS 3044, si vous voulez en causer avec nous, 50 centimes par envoi. Il y a également le Snapchat de l'émission Evan et la tribu. Voici Maten et Café Delmar 2016 sur Fun. Il est 7h25 sur Fun Radio, nous parlons ce matin des mots de passe parce qu'il faut quand même rappeler cette petite info très courte, Justine, ce matin les mots de passe les plus utilisés, puis surtout la vanne concernant Mark Zuckerberg. Ouais, les mots de passe les plus utilisés sont 1, 2, 3, 4, 5, QWERTY et password, et puis Mark Zuckerberg s'est fait hacker son compte Twitter parce que son mot de passe c'était dadada. Moi je mets le mot de passe écrit toujours à l'envers, c'est Axiel qui nous dit ça. Ah ouais. Au risque de me répéter, je serais ravi d'inviter Justine à boire un chet à la main et un bateau 1000 milliards de 1000 sabords, sexy en bikini rose, lol. Visiblement il t'a vu, je ne sais pas, c'était pas signé. Il y a des photos de toi en bikini qui traînent, Justine? Non, enfin on vient d'en poster une avec Kali de Waterpolo, c'est peut-être ça. Ah d'accord, et elle est sur le Facebook de l'émission. Oui, mais sur... j'ai un bonnet jaune dégueulasse, donc après... De toute façon, le plus intéressant c'est le bonnet c'est jaune, ça, le reste donc, on s'en fout. Hein. Donc ça s'annule physiquement. Dans un instant, petit déj gratos sur Fun Radio, juste après le son de Calvin Harris et de Rihanna sur Fun. Avec Fun Radio, gagnez le plus élégant des ordinateurs portables, le MacBook Air 13 pouces d'Apple. Likez dès maintenant la page Facebook de Fun Radio et laissez un commentaire avec le Facebook d'un ami en lui expliquant pourquoi il vous faut absolument cet ordinateur portable. Le MacBook Air d'Apple. Les plus beaux cadeaux high-tech, ça se gagne uniquement sur Fun Radio. Le son Dance Floor. Tous les ans, Pascal part en Écosse. That's right, I do. Pour un stage de cornemuse. Et Pascal oublie de jouer au loto. Oh, God damn it, c'est pas vrai. Cet été, ne manquez aucune chance de devenir millionnaire. Jouez pour 8 tirages dans un point de vente participant et recevez 2 tirages supplémentaires gratuits. Action valable jusqu'au 30 juillet. Couleur café, il y a ceux qui adhèrent et d'autres qui adorent. C'est une expérience de vie pour les jeunes. Ah ouais papa, on s'éclate trop. C'est surtout l'ouverture aux autres. Tu veux dire qu'on chope des filles? Je veux dire que c'est un univers qui vous emporte. Ah ouais, on plane grave. Et ils en reviennent transformés. C'est sûr, il me faudra une semaine pour m'en remettre. Quelle que soit la raison qui vous amène à Couleur Café, la STIB vous ramène gratuitement. Bruxelles, c'est nous tous, la STIB. Gin Tonic. Et 1, 2 et 3. Ou Gin Tonic. Lâchez-vous. Neckermann, vous êtes en vacances. Votre séjour en Espagne a pris spectaculaire. Fun Radio. Fun Radio. Miroir, dis-moi qui est le plus beau. Quitte à devenir mégalo. Viens donc chatouiller mon ego. Allez, allez, allez. Laisse-moi entrer dans ta matrice. Goûter à tes délices. Personne ne peut m'en dissuader. Allez, allez, allez. Je ferai tout pour t'accompagner. Tellement je suis borné. Je suis bien dans ma bulle. Allez, allez, allez. Tout est beau, tout est rose. Tant que je l'impose. Dis-moi qui est le plus beau. Allez, allez, allez. J'ai fini de te regarder. Allez. Evan et la tribu, 6h-9h sur Fun Radio. Du son dance floor et de la déconne pour vous secouer dès le matin. Et avant de partir en vacances, il y a du grand cadeau à la clé, Justine. Ouais, on vous offre des chèques de 200 euros pour que vous puissiez vous offrir des paires de Nike personnalisées. Alors pour jouer, c'est une simple inscription par SMS. Si vous êtes rappelé tout à l'heure à 8h15 et 9h05 et que vous décrochez, c'est gagné. Et vous envoyez le code Nike, N-I-K-E, par SMS au 6322, c'est 1 euro par message. Assure le son de Rochelle sur Fun Radio, il y aura Calvin Harris et Rihanna aussi. Fun. Fun Radio. Fun. Dans moins de 15 minutes, c'est Fabien Feillage qui débarque sur Fun Radio. Mais d'abord, 7h31, on s'informe avec Jean-François. Salut Jeff. Bonjour Justine, bonjour à tous. Depuis l'entrée en vigueur de l'accord passé entre l'Union Européenne et la Turquie, les demandeurs d'asile entreprennent plus que jamais la traversée risquée de la mer Méditerranée vers l'Italie, la route dite centrale de l'immigration. Le directeur de l'Agence Européenne pour la gestion des frontières extérieures explique ainsi que 13 à 14 fois plus de réfugiés quittent la Libye vers l'Italie que depuis la Turquie vers la Grèce. Le nombre de franchissements illégaux de la frontière entre l'Italie et la Libye est plus important cette année que tous les franchissements illégaux enregistrés dans l'Union Européenne. Et si le flux de migrants depuis l'Afrique de l'Ouest vers la Libye reste identique, on doit s'attendre à 300 000 personnes qui fuiront cette année depuis l'Afrique de l'Ouest vers les pays du Nord du Maghreb pour ensuite rejoindre l'Europe. Le constructeur automobile Volkswagen devra au total verser plus de 13 milliards et demi d'euros pour échapper à un procès aux États-Unis dans le scandale de ses moteurs diesel truqués. La présentation de ce plan, la justice doit clore un long et difficile processus de négociation entre les géants allemands et les autorités américaines, mais ne mettra pas totalement fin au tracas judiciaire de Volkswagen. Volkswagen qui a admis avoir installé des logiciels truqueurs dans 11 millions de moteurs diesel dans le monde est par ailleurs l'objet de plusieurs investigations en Europe. Chez nous, les consommateurs payent depuis 6 mois déjà une taxe de quelques centimes sur les boissons sucrées, sans pour autant que ces boissons soient délaissées. Pour compenser, les amateurs se tournent vers les supermarchés discount qui n'offrent pas de marque ou vers les magasins à l'étranger. La taxe sur les boissons sucrées a été introduite par la ministre de la Santé publique Maggie De Blocq pour inciter les Belges à adopter un mode de vie plus sain. Mais 6 mois après l'application de cette taxe, la vente des sodas ne chute pas. Un Belge sur 5 achète de l'eau et des boissons rafraîchissantes à l'étranger, puis les quantités qui sont achetées continuent elles aussi d'augmenter. On est passé de 162 litres en 2012 à 166 litres par personne en 2016. Quelques 18% des étudiants travaillent sans contrat, selon une étude annuelle menée auprès de 1000 étudiants par le prestataire de services Randstad. Chez les étudiants mineurs, la proportion atteint même 30%. Ceci malgré les changements de législation en 2005 et 2012 pour assouplir la réglementation du travail étudiant et le renforcement de la lutte contre la fraude fiscale. Un étudiant sur 5 continue de travailler sans contrat, alors que le risque couru par les étudiants et employeurs ne le justifie pas. En regard des avantages accordés depuis les changements de législation, les secteurs les plus touchés par le travail des étudiants en noir sont l'Horeca, 24%, et les loisirs pour 31%. En football, les deux derniers qualifiés pour les quarts de finale de l'Euro sont connus. L'Italie qui a battu l'Espagne 2-0 jouera samedi en quart de finale contre l'Allemagne. L'Islande a de son côté forcé l'exploit en battant l'Angleterre sur le score de 2-1. Au terme d'un match complètement fou, le sélectionneur anglais Roy Hodgson a annoncé d'ailleurs sa démission dans la foulée de l'élimination des Anglais. Les Islandais en quart de finale, c'est sans doute la toute grosse surprise de cet Euro. Ils auront la France pour adversaire en quart de finale. Pour rappel, les quarts de finale débutent jeudi avec Pologne-Portugal à l'affiche. La Belgique jouera vendredi contre le Pays de Galles. L'Italie affrontera l'Allemagne samedi. Et la France jouera donc contre l'Islande dimanche au Stade de France. Fun Radio. Oh mon micro, merde. Calvin Harris, Rochelle, dans un instant sur Fun Radio. Oh, bah, je suis sincère, ça venait du cœur. À 7h33, la météo Jean-François. Le temps devrait rester sec partout en Belgique avec des apparitions régulières du soleil. Les nuages referont ensuite leur apparition et des pluies sont attendues dans la soirée et la nuit prochaine. Les maxima températures seront compris entre 17 et 21 degrés. Ouais. Fun Radio, alerte trafic. Alors j'avais dit hier en faisant le malin, bon bah comme c'est la semaine vraiment qui précède les vacances, c'est super calme au niveau de la route. Et là c'est le premier flash infotrafic qui revient. Effectivement, sur le ring intérieur entre Heusingen et Forêt, toujours ces travaux du côté d'Anderlecht qui provoquent des ralentissements. Et là on en est à 25 minutes de temps de parcours supplémentaire. Également des petits embarras de circulation ce matin, c'est sur le ring extérieur entre Braine-l'Alleud et Argenteuil où il faut également compter une vingtaine de temps de minutes de parcours supplémentaire. On se retrouve pour les prochaines infos à 8h si tu veux bien. Si tu veux revenir à 8h, il n'y a pas de souci. Oui. Tout à fait. Sinon, tu fais faire le flash par Khalid. Non, non, il n'y a pas de souci. Mais tout de suite, c'est Calvin Harris sur Fun Radio. Yes! Fun Radio. Fun. Evan et la tribu, 6h-9h sur Fun Radio. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you. Il est 7h37 sur Fun Radio, Galantis et Rochelle, voilà ce qui arrive. Il y aura du Fabien Feillèche à 7h45. Vous pouvez d'ailleurs choisir les derniers Fabien Feillèche, puisqu'on a fait depuis une semaine et demie maintenant les meilleurs Fabien Feillèche des deux saisons d'Evan et la Tribu en mode morning, puisqu'avant on était l'après-midi. Vous pouvez les choisir directement par SMS au 30 44, 50 centimes par envoi. Et vous avez moins cher, hein, le Snapchat de l'émission Evan et la Tribu ou les mails evan@funradio.be. Petit déj gratos aujourd'hui, opération énorme avec nos copains de chez Red Market de Wallonie. Et il y a 10 magasins qui depuis 7h ce matin vous offrent le petit déj gratos. Il y a Jean Blou, il y a Andenne, Jemeb-sur-Meuse, Jemeb-sur-Sambre, Carnion, Gosselies, Verviers, Moucron, Couillet encore, Fontaine-l'Évêque. Vous pouvez directement aller voir ces magasins qui s'appellent les magasins Red Market. Et si vous allez les voir, ils vous payent le petit déj gratos. Qu'est-ce qui se passe? Je vois que ça se marre autour de la table. J'ai raconté une connerie? Non, c'est pas par rapport à toi, c'est Jean-François qui est en face de moi. Qu'est-ce qu'il fait? J'ai failli tousser et je me suis vite reculé pour pas qu'on entende. Mais c'est pas grave, mais cette émission c'est avant tout la liberté de tousser, la liberté d'agir, la liberté de penser aussi, Jean-François. Non, ce qu'il faut savoir c'est que Jean-François quand il tousse, on dirait, tu sais, les Angry Birds, ah oui, grosse tête avec des gros yeux. Le dernier tsunami en date, c'est Jean-François qui a éternué, hein. Ça c'est clair. Bon, on va se faire du son Dance Floor sur Fun Radio. Je vous ai calé Rochelle dans un instant et le son de Galantis, il est 7h39. Proximus présente Full Control. Parce que même ceux qui pensent gérer à mort... Ah non, ce soir je ramène pas de mec chez moi. Abuse parfois un peu. Tu veux du lait dans ton café, Nico? Et toi, Alex? C'est Alex, hein? Alors Proximus lance un nouvel abonnement GSM, Full Control. C'est tous les avantages d'un abonnement, mais sans jamais dépasser ton budget. Info sur proximus.be/full control. Proximus, infiniment proche. Avec l'ING Lion Account gratuit, imaginez vos vacances avec 2500 euros en plus. De quoi passer de... Dis, t'as bien attaché les vélos. Ah ? Mesdames et messieurs, nous vous prions de bien vouloir attacher vos ceintures. Ouvrez votre compte à vue ING gratuit avant le 2 août et tentez de gagner 2500 euros en chèque voyage. Infos et conditions de l'ING Lion Account et de la Tombola sur ing.be. C'est moi, Hip. Les quarts de finale, une formalité pour nos Diables Rouges. Alors vite dans votre hypermarché Carrefour et recevez un pass de la victoire. Et si les Diables Rouges se qualifient pour les demi-finales, vous gagnez une réduction de BAM 10% sur vos prochains achats. 10% Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. Voir conditions en magasin. Ce week-end, vous allez à un spectacle comique ? Ou bien à la mer ? Avec le billet week-end de la SNCB, vous voyagez aller-retour à moins 50%. Et jusque fin août, votre billet week-end est valable encore plus longtemps, du vendredi matin au lundi soir. Infos et conditions sur letrain.be. Le train. Evan et la tribu, 6h-9h sur Fun Radio. Du son dance floor et de la déconne pour vous secouer dès le matin. Dans un instant, Fabien Feillèche, et c'est Nathalie, notre auditrice, qui est venue avec son mari, son fiancé. Je sais même plus s'ils sont mariés ou fiancés. Je sais plus s'ils sont ensemble, tu vois. C'est elle a tout zappé. Vous êtes quoi, fiancé ou marié, Nathalie? Non, on est plus fiancé, on n'est pas du tout marié. D'accord, plus fiancé, et qui nous ont accompagnés, qui ont gagné leur voyage avec nous ici au club Bellambra de Seignos, dans les Landes, dans le sud-ouest de la France. Et donc, Nathalie, c'est toi qui vas choisir le Fabien Feillèche dans quelques instants. T'as déjà une petite idée? Oui, hein, par rapport avec la galette des rois. La galette des rois, ce sera à suivre dans moins de 5 minutes. D'abord, on vous rappelle l'opéra. opérations toute cette semaine qui vous permettent de remporter de beaux chèques cadeaux pour avoir des belles pompes. Ouais, on vous offre des chèques de 200 euros pour aller sur le site de Nike et notamment pour que vous puissiez vous acheter des Nike personnalisés. Alors si vous voulez jouer avec nous, c'est un simple SMS, hein, vous inscrivez. Si vous êtes rappelé tout à l'heure à 8h15 dans une demi-heure et que vous décrochez, c'est gagné. Vous envoyez le code Nike, N-I-K-E par SMS au 6322, c'est 1 euro par message. Je vous souhaite bonne chance, Evan, c'est la tribu jusqu'à 9h, il est 7h45, voici Galantis avec No Money sur Terre. Il est 7h47 sur Fun Radio, avant 8h. Le retour du qu'est-ce qu'il y a dans la boîte qui a été révélé hier, celui de Yolande a tenu qu'à peine quelques minutes. Il y en aura un nouveau dans un instant après minuit d'assis. On va essayer de faire monter une énorme somme d'argent d'ici la fin de la semaine pour vous gâter avant de partir en vacances. Le retour du qu'est-ce qu'il y a dans la boîte, c'est à suivre sur Fun Radio. Fabien Fayèche, Fabien Fayèche. Alors depuis une semaine et demie, nous choisissons chaque jour les Fabien Fayèche qui vous ont marqué depuis deux saisons. Et aujourd'hui, c'est Nathalie, notre auditrice qui nous a accompagnés ici au Club Bellambra de Seignos, qui choisit sa séquence. Qu'est-ce que tu as choisi, Nathalie ? Celui de la galette des rois. Alors, la galette des rois, c'est très simple. Fabien Fayèche avait simplement trouvé un monsieur dont le nom de famille est Roi. Il l'a appelé pour la galette. Écoutez, c'est le choix de Nathalie sur Fun Radio. Fabien Fayèche. Allô ? Hello. Bonjour, je m'appelle Fabien Fayèche. Oui. J'aurais parlé au roi, s'il vous plaît. Oui. C'est vous ? Oui. Je voudrais savoir, est-ce qu'il vous en reste ? Bah, de quoi ? Des galettes ? Non. Des galettes des rois ? Allez, salut. Hein ? Ah, on a été coupé. Oui. Allô, monsieur roi ? Oui. Oui, c'est encore Fabien Fayèche. On a été coupé. Allez, chier. Bah, je vous ai même pas dit ce que je voulais. J'appelle pour la galette. Allô. Oui, coucou, c'est Fabien Feillèche, je suis toujours chez Monsieur Roy. Ouais, c'est mon oncle, Monsieur Roy. Ah, d'accord, je voulais lui poser une question. Qu'est-ce qu'il vous a dit tout à l'heure? Bah, il m'a dit qu'il lui restait des galettes. Vous a pas dit il va chier? Non, moi j'ai pas entendu, enfin en tout cas moi j'ai pas entendu ça, non. Ah bon, bah parce que moi j'ai entendu va chier. Ah, d'accord, donc c'est vraiment un problème de téléphone. Ah bah je crois pas, moi, c'est plutôt toi qui fais chier le monde, non? Bah non, parce qu'en fait, moi je vous explique, je voulais juste des galettes. Parce qu'on s'appelle Roy, que tu nous appelles pour des galettes? Bah les galettes des rois. Ah, elle est bonne ta blague. Bon, t'as pas autre chose à foutre, espèce de guignol? Bah si, je cherche également des fèves. Allô? Coucou! C'est toujours. Ouais, t'as pas compris? Compris quoi? Mais qu'est-ce que tu cherches là? Bah, je vous ai dit, je cherche des galettes! Mais putain, on a pas de galettes! Ah bon? Et même fourré aux pommes? C'est ton cul qu'on va fourrer avec de la pomme! Non! Allô? Coucou! Chier! Bah, c'est Fabien Feillèche! Pas chier! Allô? Ah oui! Recoucou, monsieur le roi! C'est Fabien Feillèche! Va chier! Oui, je sais, vous me l'avez déjà dit, mais juste avant d'y aller, dites-moi, est-ce que c'est possible de rajouter une fève dans la galette pour mon cousin Thierry? Tu sais quoi, on va t'en mettre 150 des fèves! Ah bah c'est gentil ça! Dans ton derche après! Dans mon quoi? Dans ton derche, mon petit! 150 fèves dans mon derche! Exactement! Comme ça, t'es content, tu seras sûr d'avoir la couronne! Ah oui, c'est vrai! Comme ça, ce sera moi le roi! Fabien Feillèche! Fabien Feillèche! Coucou! Va chier! Bah c'est Fabien Feillèche! Va chier! Écoutez, ça s'est passé dans la libre antenne sur Fun Radio. Hey grand, vous rigolez de moi quoi? Vous rigolez de moi quoi? Faites pas contre blague! Faites pas contre blague! C'est la paix, ouais! Vous foutez la paix! Vous mettez en rang! Vous êtes combien là? Je crois que c'est marrant un peu l'histoire de chapin là! J'ai compris tout de suite que c'est une blague! La vérité! Hein. C'est un con quoi! La vérité, les amis! T'arrêtes de m'appeler! Tous les soirs, dès 20h, c'est Libre Antenne avec Vince sur Fun Radio. Fun! Vous avez un barbecue, un anniversaire, un mariage peut-être? Eh bien, annulez! Parce que c'est la semaine Quick Deals chez Citroën. Avec des primes de reprise, des options jusqu'à moitié prix et en plus du 24 au 30 juin, une extension de garantie à 4 ans sur nos véhicules de stock. Profitez vite des Quick Deals chez Citroën. Citroën. Infos et conditions sur citroën.be. Le son Dance Floor. Baby. Yeah, I know you built like that. Got it like a holster, baby. Show them say you're wicked like that. We live for the war is raging, chasing our crazy dreams. Hoping that the bridge won't cave in, so now we'll let it all go free. Déconne et son dance floor, Evan et la tribu, 6h-9h sur Fun Radio. I'm here at the end, yeah. If I could go back. to the stars. I'd do it again, yeah. I'd live like never before. Now will you remember? Remember me when I'm gone. Remember the heat, yeah, that's keeping you warm, saying fire. Now we're burning up, not over. Yell and turn it up. Let go, let go, let go. In paradise, the closer I get to you, it feels like paradise. Et 7h55 sur Fun Radio à 8h, les infos 8h05, le petit déj gratos, et on aura à vous offrir tout à l'heure 200 euros à claquer dans des paires de pompes Nike que vous pourrez directement vous-même personnaliser. C'est là. Pour jouer au qu'est-ce qu'il y a dans la boîte, envoyez Evan, suivi de votre réponse au 6322, et la cagnotte sera peut-être pour vous. Alors ça, c'est notre réalisateur qui a merdé, qui a pas envoyé le bon truc au bon moment, mais c'est pas grave. On va écouter Yael avec 100 miles, c'est juste derrière le retour du qu'est-ce qu'il y a dans la boîte. Come here and visit my world. Come here and visit my world. Did history, shining stars. Our love is the only way. Don't get lost, cause I'm waiting. Summer feelings are waiting, boy. You and me is more than 100 miles. You and me is more than the gray sky. Dance with me one more time. Visit my world, did history, shining stars. Our love is the only way. Don't get lost, cause I'm waiting. Summer feelings are waiting, boy. You and me is more than 100 miles. You and me is more than the gray sky. You and me is more than with me one more time. One more time. Dance with me one more time. Il est 7h59 sur Fun Radio, le petit déj gratos dans un instant et le qu'est-ce qu'il y a dans la boîte. Alors c'est Benoît qui réalise cette émission à Bruxelles puisque nous sommes en direct du club Bellambra de Seignos dans les Landes avec des auditeurs auditrices qui ont gagné leur séjour avec également toute l'équipe de l'Happy Hour d'Audrey. Et alors Benoît a une particularité, c'est qu'on est toujours très inquiet pour lui parce qu'en décembre il nous a fait une petite crise d'épilepsie et alors la réalisation parfois et ça peut peut-être recommencer à tout moment. Comment ça va mon Benoît? Ça va très bien Evan et toi? Oh, ça n'a pas l'air d'entendre la voix. Alors pour toi, notre petite chanson spéciale Benoît, baisse un petit peu la musique, voilà. Il va falloir quasiment qu'on soit à blanc mon Benoît. Réalisation express, attention, 3, 4. Épilepsie, tout tout tout. Épilepsie, tout tout tout. Épilepsie, tout tout tout. Tout le monde tremble avec l'épilepsie. Applaudissements pour Benoît. Oh, merci vous, deuxième, tellement d'honneur. Une deuxième. C'est rien que pour toi. Rien va suivre pour le son Dance Floor sur Fun Radio. Épilepsie. Il y a quoi là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Le qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Je vous explique le dos. Le dos, il est énorme. Le dos, c'est un moment, on est à 12 secondes de la fin du titre. Le qu'est-ce qu'il y a dans la boîte va arriver. Et comme le qu'est-ce qu'il y a dans la boîte de Yolande hier est tombé avec 30 euros dans la cagnotte, on repart avec un nouveau qu'est-ce qu'il y a dans la boîte ce matin. Et là, avec la gueule enfarinée, t'as Jean-François. Jean-François et Justine qui me disent: et au fait, Evan, on a un qu'est-ce qu'il y a dans la boîte à te proposer. Avec la même voix. Avec la même voix. Et je lui dis, mais et vous êtes pas trop con de me proposer ça, mais 12 secondes avant que je commence ma propre boîte. Donc finalement, ils se sont concertés. Et donc, c'est le qu'est-ce qu'il y a dans la boîte de Jean-François et Justine. Ne merdez pas, c'est quand même le dernier de la saison. Hein. Non, mais pas de soucis. Et on va aller très loin puisque je mets directement 50 euros dans la cagnotte. Oh, et je vous mets la pression. Je vous mets la pression. Oui, ça s'applaudit. Alors, le public est pas nombreux, ça s'entend, mais 50 euros dans la cagnotte, les doudous. On va commencer le festival de questions en 30 secondes très rapidement. Khalid. Est-ce que ça se mange? Non. Est-ce que c'est en plastique? Non. Est-ce que ça colle? Peut-être. Est-ce que c'est en fer? Non. Non, c'est pas en plastique? Non. Est-ce qu'on peut le plier? Oui. Oui. Baisse un peu la musique, Benoît. Est-ce que c'est transparent? Est-ce que c'est transparent? Non. Non, non. Donc c'est opaque. Ouais. C'est petit, c'est grand. Moins de 10 cm, plus de 10 cm. Plus de 10. Plus de 10. Plus de 10 cm. Est-ce que la taille peut être variable? Oui. Oui, bah si, oui. Ouais, je non, sais pas ce que c'est. Non, bah nous, on aide les auditeurs, nous, c'est eux de proposer. C'est pas un mètre? Un mètre? Non, ah, oh, c'est bien joué ça. C'est pas loin, c'est pas loin. Félicitations. Khalid. Est-ce que ça se porte? Oui. Ça se porte sur soi. Yolande, vas-y. Est-ce que ça a un rapport avec des photos? Non. Bon, si vous pensez avoir une idée de ce qu'il y a dans la boîte, il y a 50 euros que je mets en jeu ce matin. Vous envoyez Evan, suivi de votre proposition de réponse au 63-22. C'est 1 euro par message. Je vous souhaite bonne chance. Il y a 50 euros dans la cagnotte. Il est 8h01 sur Fun. Fun Radio. Bienvenue tout le monde sur Fun Radio et bon début de journée. Il est 8h01, on s'informe tout de suite avec Jean-François. Salut Jeff. Bonjour Justine, bonjour à tous. Certains axes de la capitale sont inaccessibles aujourd'hui et demain en raison du sommet européen organisé à Bruxelles. Les mesures de circulation habituelles seront d'application et Bruxelles Mobilité conseille aux automobilistes d'éviter le quartier européen. Le quartier Schumann sera fermé à la circulation vers 13h30. Le tunnel Reyers-Centre sera également fermé à partir de midi. L'interdiction de circuler restera d'application jusqu'à demain en soirée. Le tunnel Montgomery est également fermé. Le métro roulera normalement, mais la station Schumann sera inaccessible. Le métro ne s'y arrêtera pas. La station SNCB sera desservie normalement. Quant aux lignes de bus Stib et Delaine qui passent habituellement dans le périmètre Schumann, elles seront déviées. En deux séances, les valeurs belges ont perdu 6% de capitalisation boursière, soit 22,5 milliards d'euros. Tout comme vendredi, les principales bourses européennes ont recommencé à baisser hier, craignant un impact probable de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne sur la croissance mondiale. À Bruxelles, l'indice Belvin a affiché un recul d'un peu plus de 4%. Que plus de 20 milliards d'euros soient partis en fumée à la bourse de Bruxelles, elle n'est pas en soi une mauvaise nouvelle pour la bourse ou les intermédiaires financiers. Le contexte est particulièrement défavorable par contre pour les banques qui évoluent dans un environnement marqué par l'incertitude quant à leur avenir et aux bénéfices tirés des opérations de marché.

Les amours, c'est la dernière ligne droite, dernière semaine avant les vacances. Pour nous, on partira en vacances vendredi à partir de 9h. Nous sommes mardi, les 8h09. Bonjour! Qu'est-ce que tu manges, Justine, au petit-déj là? J'ai mangé des tartines au fromage et j'ai fait un mort dans un pain au chocolat, mais non, c'est trop gras. C'est trop gras, donc ouais, tu as abandonné. Non, tu ouais, as abandonné. J'abandonne. Le club Bellambra de Seignos nous accueille ce matin et les petits-déj de Bellambra, c'est juste une tuerie, comme les déjeuners, les dîners, c'est à volonté, des buffets en voiture. Voilà, t'as envie de tout goûter. Alors évidemment. Honnêtement, alors on va dire que c'est peut-être une note pas positive, mais pourtant si. C'est-à-dire qu'on est sûr qu'on prendra jamais des kilos vers le bas en venant chez Bellambra tellement c'est trop bon. Mais je pense quoi, que... on les fait après les régimes. Ouais, mais je pense que tu prends quand même pas de kilos parce qu'avec toutes les activités, le oui, sport que tu fais. C'est pas faux, c'est pas tu faux. Tu prends pas forcément. C'est pas faux. Le club Bellambra de Seignos qui nous accueille avec toute l'équipe qui est là, Justine, Sœur Khalid du Jambon, Jean-François l'info, la météo. Si vous voulez dire, pas dire bonjour, dites-le. Hein, non, mais non, mais non, mais ça vous emmerde. Vous non, mais non, non, non, pas parfois... marcher dessus, enfin. Non, mais un petit salut, peut-être bonjour, ça peut. Bah, voilà. Mais non, mais parfois tu nous dis et on vous dit tous bonjour. C'est je ça. L'ai pas fait là. Tu vois bien que j'ai fait un bonjour collectif. Et donc là, on vous dit tous bonjour. Merci. Ouais, toute seule. Et il y a Nathalie qui est avec nous, qui est venue avec Chris, notre couple d'auditeurs gagnants qui nous accompagne cette semaine. Bonjour Nat. Bonjour. Alors toi, tu vas passer un petit coucou sur ce sera dans une demi-heure. On joue également au qu'est-ce qui est dans la boîte dans un instant. Tu vas suivre ça de très près puisqu'il y a 50 euros à l'intérieur de la boîte. Rappelons également les gros cadeaux de la semaine, le fil rouge de cette émission entre 6h et 9h et les questions de chaussures. On vous offre des chèques de 200 euros pour que vous puissiez vous offrir des Nike et plus précisément des Nike personnalisés. Pour jouer avec nous, écoutez comment ça se passe. Vous envoyez le code Nike, N-I-K-E par SMS 6322, c'est 1 euro par message. Je fais sonner chez vous dans 5 minutes sur Fun Radio. Willy William, c'est à suivre avec le son de Paris sur Fun. Après, il donne toutes les adresses. Il dit, j'étais aux Champs-Élysées, puis après, je suis passé par la rue de la Boétie. C'est sympa. Il y a aussi David Guetta avec Zara Larsson. L'Euro 2016 et la belle victoire de l'Islande hier. On était vraiment nous pour l'Islande. Petit déj gratos sur Fun Radio. Du coup, j'ai plus d'amis anglais ce matin. On est où pour le petit déj gratos ce matin, Juju? Ce matin, on est dans les magasins, les supermarchés, les Red Market qui se trouvent notamment à Jean-Blou, à Andenne, à Jemeppe-sur-Meuse, à Jemeppe-sur-Sambre, à Carnion, à Gosselies, à Verviers, à Moucron et à Couillet. Donc vous vous rendez dans ces magasins, vous dites que vous venez de la part de Fun Radio et puis vous recevez une viennoiserie gratuite. Alors, tout à l'heure, on a parlé de Fontaine-l'Évêque. Il y a eu un problème à Fontaine-l'Évêque, hein, je vais le dire vraiment très sincèrement. Yolande, quand les auditeurs sont arrivés à Fontaine-l'Évêque, un des magasins leur a dit ah bah non, on n'est pas au courant. Alors qu'on avait tout à l'heure quand même la responsable communication au téléphone qui nous a expliqué l'OP qu'elle organisait avec nous. Est-ce qu'on a des nouveaux là-dessus? Qu'est-ce qui s'est passé à Fontaine-l'Évêque, Yolande? Je n'ai pas plus de détails, mais je sais que ça a arrangé. Ah, c'est arrangé. Donc c'est on peut aller à Fontaine-l'Évêque. Voilà. Hein. Oui, oui, oui. Donc voilà, désolé pour les auditeurs qui nous ont signalé que quand ils sont arrivés, la personne leur a dit que c'était peut-être une vendeuse qui venait d'embaucher depuis hier et qui leur a dit bah non, on ne fait pas ça. Donc voilà, Fontaine-l'Évêque, c'est arrangé. On rappelle donc les 10 villes, Justine. Alors, on est donc à Fontaine-l'Évêque, à Jean-Blou, à Andenne, à Jemeppe-sur-Meuse, Jemeppe-sur-Sambre, Carnion, Gosselies, Verviers, Moucron et Couillet. Et le nom du magasin, c'est Red Market. Voilà, vous y allez de la part de Fun Radio. Il est 8h12 sur Fun. Il y a quoi là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Le qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? 50 euros ce matin dans la cagnotte pour terminer en beauté avant les vacances. C'est le qu'est-ce qu'il y a dans la boîte de Justine et Jean-François. Ils sont à deux. Ouais. On va rappeler les indices de ce matin. Alors, on sait que ce n'est pas transparent, que ce n'est pas en plastique, que ça mesure plus de 10 cm. On le porte et ça a une taille variable. Alors, à votre avis, qu'est-ce que c'est? Déjà une première proposition du côté du standard 02851 4x0. On a qui, Yolande, au téléphone? On a John qui habite entre Marche et Liège. Bonjour John. Bonjour Evan, bonjour la tribu. John, bienvenue sur Fun Radio pour 50 euros ce matin. Tu sais qu'hier, la cagnotte est tombée en une émission. Et ben, ce sera peut-être le cas aujourd'hui. Et qu'est-ce que tu penses de ce qu'il y a? Moi, je pense dans à la boîte? Alors tu penses à un préservatif usagé ou pas usagé? C'est important de préciser. Ça dépend si tu veux encore t'en servir ou pas. Moi j'en fais des ballons, tu sais, à la piscine. Alors ça fait très longtemps. Jean-François et Justine, pour 50 euros, dans la cagnotte. Est-ce que c'est un préservatif qu'il y a dans votre boîte? Eh bien non. Ce n'est pas la bonne. Non, c'est pas ça. Ah, j'y ai pensé aussi. Avec les indices, le côté taille variable, le côté... Mais c'est plutôt transparent. Ben oui, c'est ça. C'est ça, mais à quoi qu'il y a des préservatifs black. Ouais, c'est vrai. Et en fait, tu vois pas à l'intérieur. Bon, John, ce sera pour la prochaine fois. Tu rejoues dès demain si tu veux, ok? Ce n'est pas un préservatif. Je te fais une bisou, doudou. À bientôt, salut John. Allez, à la prochaine, une bonne journée. Merci à toi aussi. Allez, on donne un indice pour demain matin, 7h55. Eh bien, l'indice est la France. France. Oui. Très bien. Très vague. Le pays de mon enfant. Merci Charles Trenet. Si vous pensez savoir ce qu'il y a dans la boîte pour 50€, vous envoyez Evan suivi de votre proposition de réponse. Tout ça au 6322. Kali, tu veux poser une petite question en speed pour le caissier dans la boîte? Est-ce que c'est lourd? Non. Non. Non, c'est pas lourd. Non, c'est pas lourd. Parce que j'aurais pu penser à Khalid. Non, ça, c'est sûr. Lui qui est en train de maigrir, le pauvre. Voici Willy William et Chris Cab, le son de Paris sur Fun Radio, 8h15. Bon réveil avec Fun Radio. J'ai tronqué ma voiture pour un vélo, roulé sur ces rues pavées. Un air d'été sur la capitale, on était là, là, là. Quelques musiciens me donnaient la mélo, c'est ce qui faisait tout son charme. Quand je chante, la, la, la, la, la. Parce que moi je me balade dans Paris, je me balade dans Paris, je me balade dans Paris, Paris, Paris, je me balade dans Paris, je me balade dans Paris, je me balade dans Paris. Ram pa pa pam, ram pa pa pam pam. Sur Fun Radio, je vous parlerai tout à l'heure d'un événement avec Fun à ne pas louper, ça sera Couleur Café. Et puis aux alentours de 8h45, pour terminer la semaine, j'ai du gros dossier. Vous savez que en radio, on a chacune des radios à sa voix officielle, voix masculine et voix féminine. Et figurez-vous que j'ai eu l'occasion d'avoir une séance brute d'enregistrement d'une de nos comédiennes. Notre comédienne, c'est Audrey. Et ce jour-là, elle était malade et très très enrhumée. Et c'est des barres de rire. J'ai sélectionné les meilleurs moments de ce qui s'est passé durant cette séance d'enregistrement. Ce sera tout à l'heure aux alentours de 8h45. Il est l'heure, juste avant d'envoyer le son de David Guetta, de vous offrir ceci. On vous offre des chèques de 200€ pour que vous puissiez vous offrir des paires de Nike personnalisées. Alors vous avez joué en envoyant Nike au 6322€ par message. Je fais sonner chez vous. Si vous décrochez, c'est gagné. Les derniers cadeaux de la semaine à gagner tous les jours entre 6h et 9h jusqu'à vendredi inclus, avant que nous partions en vacances nous reposer. Quand on voit la taille des poches, des valises qu'on a sous les yeux, il est temps. Les cernes aussi, hein. Les cernes, ça marque, hein. C'est quoi le meilleur anti-cernes? Je pense une cuillère froide, une cuillère que tu as mis au congélateur et tu vas prendre. Allô ? Une cuillère. Oui, allô ? Oui, bonjour. Bonjour, quel est ton prénom ? François. François, tu as décroché, c'est gagné ! Yeah ! Merci, Fun. Merci, Fun Radio. Mais merci à toi, mon doudou. Écoute ce que. Écoute ce que tu as gagné. François, c'est pour toi un chèque de 200 euros. Tu pourras t'acheter ce que tu veux en fait, comme Nike. Qu'est-ce que tu veux sur le site. Tu prendras n'importe quoi sur le site et même des Nike personnalisés. C'est parce que tu parles de Nike que tu te racaillises ou quoi? Non, mais je l'ai fait exprès. Tranquille, t'as vu ma gueule, Francis, la figure, on dit. Je te fais un gros bisou, mon chéri. Je t'embrasse. Bisous. S'en fout. Bon, vous aussi, pour faire comme Francis, pour jouer et essayer de gagner vos 200 euros pour claquer dans des Nike personnalisés, on vous rappelle comment il faut faire. Vous envoyez tout simplement le code Nike, N-I-K-E, par SMS au 6322, c'est 1 euro par message. Le son de David Guetta, vous l'entendez derrière moi avec Zara Larsson, arrive avec This One For You. La chanson qu'on écoute à chaque ouverture des matchs de l'Euro 2016. Il est 8h20. Merci d'écouter Fun Radio. Écoutez, ça s'est passé dans la Happy Hour avec Audrey sur Fun Radio. Tiffany, elle nous dit la musique qui va rester, c'est un beau roman. C'est une belle histoire. Non. C'est qui chantait ça? Michel Fugain. Oui, qui fugue justement et qui revient pas. La Happy Hour avec Audrey du lundi au vendredi, 17h-20h sur Fun Radio. Ouvrez la bouche et dites ah. Bougez les yeux. Ouais, toussez maintenant. Vous êtes en pleine forme. Un petit bonbon. En ce moment, le réseau Volkswagen, Skoda, Audi et Seat vous offre un check-up d'été gratuit de votre voiture pour des vacances sans souci ou pour la revendre au meilleur prix. Conditions et concessionnaires participants sur checkupété.be. Taré comme jamais, tous les matins 6h-9h. Evan et la tribu sur Fun Radio. À suivre Chris Cab et Youssoupha sur Fun Radio. Et dans un quart d'heure, allez 20 minutes maintenant, je vais vous faire écouter ce qui se passe dans les séances d'enregistrement avec les comédiens officiels de Fun Radio, avec Audrey et Damien. J'ai du gros dossier et on va bien se marrer. Je vais vous parler d'un festival, je sais pas si tu le connais un petit peu Justine, c'est le festival Couleur Café. Oui, bien sûr. Il y a plein d'artistes qui vont venir du 1er au 3 juillet à Tours et Taxi du côté de Bruxelles. Donc il y a les Magic System qui seront là, il y aura Soprano, il y a MHD que tout le monde kiffe, hein. Ouais. Très à la mode le MHD. Qu'est-ce qu'il y a comme chanson de MHD par exemple? 9-4 bah, Champions League. Ah ouais, ça c'est le premier titre qu'il a fait connaître. Yes. Et il y en a un nouveau que je il y a partie 1, partie 2, partie 3, partie 4. Jusqu'à 5, hein. Ça va jusqu'à 5. À la retraite il sera à partie 2000. Il y a Method Man qui sera également présent, Redman sur ce festival. Et donc pendant que nous on est en train de faire la teuf au club Bellambra de Seignos, on vous envoie faire la teuf au festival Couleur Café. Vos passes 3 jours pour le festival Couleur Café grâce à Fun Radio sont à gagner maintenant. Vous envoyez Couleur tout simplement au singulier par SMS au 63 22, 1 euro par message si vous êtes rappelé. Ça veut dire que vous êtes tiré au sort et sélectionné, vous gagnez vos passes pour les 3 jours du festival. Dans un instant, le son qui est calé juste avant les infos de 8h30, ce sera Chris Cab et Youssoupha sur Fun Radio. Ah, c'est pas ça, hein. Ouais, ah, c'est pas Chris Cab et Youssoupha. C'est très dense. C'est Harry Potter recherche la baguette magique, hein. Il l'a mis dans Hermione. Pardon. Chris Cab et Youssoupha. Pas de vigne. C'est officiel, le Volkswagen Transporter est élu en 2016 meilleur utilitaire de l'année. Et pour la troisième fois déjà. C'est pas moi qui le dis, mais les journalistes de 24 pays en Europe. Mais après tout, le jury au quotidien, c'est vous, les indépendants. C'est à vous de le juger sur le terrain. Alors voilà, vous avez un transporteur start-up avec radio, airco, vitrée rétro-électrique, mais aussi un moteur à la norme Euro 6 à partir de 19 490 euros hors TVA. Venez l'essayer chez votre concessionnaire Volkswagen Utilitaire. Fun Radio. Et de la déconne. Evan et la tribu, 6h-9h sur Fun Radio. International et la connexion. Chris Cab, Youssoupha est dans la maison. De pas, bip bada ping non. Les filles, faites bouger la fête. Faites bouger la fête et la tête de tous les garçons. J'ai dit, faites bouger la fête. Faites bouger la fête et la tête de tous les garçons. Friday night went on way too long. I woke up in a stranger's home. After 6 shots of De Leon, you know that girl really turned me on. And wine. place. Kinshasa est dans la place. Paris est dans la place. Et ça fait bim bada bing. Bim bada bing. 8h30 sur Fun Radio, c'est mardi le 28 juin, nous sommes en direct du club Bellambra de Seignos. C'est la dernière ligne droite avant les vacances, vacances officielles pour nous à partir de 9h vendredi. N'hésitez pas à nous dire où vous allez partir, on se croira peut-être. Moi par exemple, je serai comme l'année dernière dans le sud-ouest de la France. Alors j'y suis déjà, là au club Bellambra de Seignos. Je remonte un petit peu, je serai du côté de Biscarrosse. Je sais qu'il y a plein d'auditeurs que j'ai eu l'occasion de croiser l'année dernière, des Belges qui passaient leurs vacances là-bas. N'hésitez pas à me dire tout ça, SMS 30 44 50 centimes par envoi sur le Facebook de l'émission ou sur le Snapchat. Dans un quart d'heure, gros dossier Justine, avec les voix officielles de Fun Radio. Ouais, c'est drôle. Bah oui, parce qu'en fait quand ils enregistrent les jingles que vous entendez, vous savez par exemple quand ça fait évader la tribu 6h-9h sur Fun Radio, et ils enregistrent ça, après c'est monté. Mais parfois il y a des trucs qui se passent pendant les séances d'enregistrement, notamment quand la voix féminine est très enrhumée. Et là j'ai du big gros dossier, je pense que tu vas kiffer. Audrey, si tu nous écoutes, il faudra pas m'en vouloir, c'est la voix de Fun officielle féminine. Kungs à suivre avec These Girls sur Fun Radio. These Girls. Ach gut, une ouch, une allez bouge, une scabu. Bienvenue tout le monde et bon début de journée sur Fun Radio. Il est 8h31, l'actualité de ce mardi, c'est avec Jean-François. Salut Jeff. Bonjour Justine, bonjour à tous. Depuis les résultats du référendum favorable au Brexit, les Britanniques de la capitale sont de plus en plus nombreux à se tourner vers les administrations communales pour s'informer ou demander la nationalité belge. La ville de Bruxelles a reçu depuis vendredi matin plusieurs demandes d'information par email, des appels téléphoniques ou encore des personnes au guichet de l'état civil des différentes communes. Le département naturalisation dans différentes communes a d'ailleurs été renforcé ces dernières semaines pour anticiper les éventuelles demande qui risque encore de s'intensifier dans les prochains jours, voire les prochaines semaines. Certains axes de la capitale seront inaccessibles aujourd'hui et demain en raison d'un sommet européen organisé à Bruxelles. Les mesures de circulation habituelles sont d'application et Bruxelles Mobilité conseille aux automobilistes d'éviter le quartier européen. Le quartier Schumann sera fermé à la circulation vers 13h30. Le tunnel Reyer Centre sera également fermé à partir de 12h. L'interdiction de circuler restera d'application jusqu'à demain en soirée. Le tunnel Montgomery est également fermé. Le métro roulera normalement, mais la station Schumann sera inaccessible. La station SNCB sera aussi desservie normalement. Quant à les lignes bus Stib et Delaine qui passent habituellement dans le périmètre Schumann, elles seront déviées. Les consommateurs payent depuis 6 mois déjà une taxe de quelques centimes sur les boissons sucrées, sans pour autant que ces boissons soient délaissées. Pour compenser, les amateurs se tournent vers les supermarchés discount qui n'offrent pas de marque ou vers les magasins à l'étranger. La taxe sur les boissons sucrées a été introduite par la ministre de la Santé publique Maggie De Bloch pour inciter les Belges à adopter un mode de vie plus sain. Mais 6 mois après l'application de cette taxe, la vente de soda ne chute pas. Un Belge sur 5 achète de l'eau et des boissons rafraîchissantes à l'étranger. Les quantités qui sont achetées continuent elles aussi d'augmenter. De 162 litres par personne en 2012, on est passé à 166 litres en 2016. Une partie des contrôleurs aériens sont en grève en France aujourd'hui. Un mouvement qui aura des conséquences sur certains vols Ryanair au départ de Brussels Airport. Les vols concernés sont ceux entre Brussels Airport et Barcelone, mais aussi Alicante. Sur son site internet, Ryanair explique s'attendre à d'autres perturbations. Le constructeur automobile Volkswagen devrait au total verser près de 15 milliards de dollars, soit 13,6 milliards d'euros, pour échapper à un procès aux États-Unis. Dans le scandale de ses moteurs diesel truqués, la présentation de ce plan à la justice doit clore un long et difficile processus de négociation entre le géant allemand et les autorités américaines, mais ne mettra pas totalement fin au tracas judiciaire de Volkswagen. Volkswagen qui a déjà admis avoir installé des logiciels truqueurs dans 11 millions de moteurs diesel dans le monde, et par ailleurs l'objet de plusieurs investigations en Europe. À suivre, ce sera le son de Kungs sur Fun Radio, mais d'abord un point sur la météo, Jean-François. Le temps devrait rester sec partout en Belgique avec des apparitions régulières du soleil. Les nuages referont ensuite leur apparition et des pluies sont attendues dans la soirée et la nuit prochaine. Les maxima seront compris entre 17 et 21 degrés. Fun Radio, alerte trafic. Un point sur l'infotrafic, Jean-François. Plusieurs embarras de circulation ce matin sur le ring intérieur entre Heusingen et Forêt, également sur le ring intérieur entre Grand-Bigard et Wemmel, sur le ring extérieur également entre La Hulpe et Willaert, fort ralentissement. Ralentissement également sur la E411 Namur vers Bruxelles entre Overijse et le Carrefour Léonard. Prochain rendez-vous de l'info à 9h et tout de suite, c'est le son Dancefloor sur Fun Radio avec Kungs. Tidesh gratos. Déconne et son Dancefloor. Et venez la tribu, 6h-9h sur Fun Radio. Money rains from the sky above, but people change, love has gotten good. A little time and some tenderness, you'll never find my love. No other thing has a fresh. 37 sur Fun Radio, le son de Erais Tréfi avant 9h et le petit déj gratos ce matin, c'est exceptionnel parce que c'est dans 10 villes que vous allez pouvoir prendre le petit déj gratos ce matin grâce au magasin Red Market. Ouais, vous allez dans les Red Market situés à Jeanblou, à Andenne, à Jemeppe-sur-Meuse, à Jemeppe-sur-Sambre, à Carnion, à Gosly, à Verviers, à Moucron, à Couillet et puis aussi à Fontaine-l'Évêque. Vous dites que vous venez de la part de Fun Radio et vous repartez avec votre viennoiserie gratuite. Alors on n'a pas pu mettre évidemment toutes les adresses des Red Market sur le Facebook de l'émission Evan et la Tribu. Maintenant une petite recherche sur Google mon ami, vous avez facilement trouvé à mon avis l'adresse dans les 10 villes. On vous a mis le lien de toute façon sur la page. Oh bah c'est voilà. Cool, c'est Royal au bar. Des messages sur le Facebook de l'émission Evan et la Tribu. Khalid. Il y a Johnny qui a un message qui va te faire vraiment plaisir Evan parce qu'elle dit vous êtes trop bon, quel plaisir de vous entendre tous les matins, vous me rappelez Jean-Luc Reichmann. Ah je c'est sympa, et ben, je prends ça comme un compliment parce que je trouve que c'est un très bon animateur terrible, et qu'en plus pour avoir eu l'occasion de le côtoyer c'est quelqu'un de vraiment très gentil et de très sincère. Joanie, c'est la petite fille chez qui on avait été faire le direct? Pas du tout. Ah d'accord. J'ai regardé la photo. Non c'est pas la même. Bon, je fais en tout cas aussi. Un bisou à Joanie, oui. Qui est la petite fille qui avait été malade avec qui on avait fait une émission spéciale et qui depuis est guérie, donc je suis super content pour elle. Bisous également à Nathalie et Timéo qui nous écoutent du côté de Tournai, également à Céline et à Kader. Autre message. Il y a Simon qui nous demande du salut les rondelles. Il y a Audrey de la Power qui est venue avec Quentin Serfontaine qui fait les photos et les vidéos ici. C'est lui qui est, c'est notre monsieur vidéo ici au club Bellambra de Seignos. Alors Simon demande si Khalid peut aller le réveiller un matin pour, et puis on filme ça et on poste ça sur Facebook. Ah oui, qu'est-ce très que bonne idée. Je prends, on les réveille à 6h15 parce que l'équipe de la Happy Hour nous accompagne. Évidemment, à 6h15, ils pioncent. Hein. PS Evan. T'es qu'un connard. Merci beaucoup pour le compliment. Vous savez que c'est le leitmotiv hein, de l'émission depuis maintenant 15 jours parce que c'est comme ça qu'on s'appelle hors antenne parce que pour nous c'est affectueux. Entre nous c'est affectueux. Nathalie est avec nous, auditrice gagnante de son séjour ici à Bellambra Seignos. Tu voulais faire un petit coucou Nathalie, c'est le moment ou jamais. Vas-y. Oui, ben voilà, en fait vite fait déjà un petit coucou à mes deux petits tendres enfants qui manquent énormément. Et comment dire, à l'antenne de Charleroi, normalement, elles doivent m'écouter. Donc, un bisou les choupettes. On leur fait des gros bisous. Autre message que tu voulais passer, Nathalie? Et à toutes les personnes qui me reconnaîtront. Bon, bah, voilà. On les embrasse bien fort. Dans un instant, ne loupez pas la prochaine séquence, les amours, puisque on va écouter ce qui se passe en studio lorsque les voix officielles de Fun Radio, Damien et Audrey, enregistrent des séquences pour Fun. Ce jour-là, c'était Audrey qui était grave enrhumée. Et je vous promets, j'ai du gros dossier à vous faire écouter juste après le son d'Erais Tréfi. Bam bam sur Fun Radio. À chaque fois qu'elle chante, tu vois, ça me donne envie de manger des fraises Tagada. Ah bon. Ou des Dragibus. Ah, j'attends délicieux. Le Dragibus, le noir. Il est trop bon le noir. Nous les noirs. Crème solaire? Check. Enfant? Check. GPS. Je viens juste d'acheter le nouveau TomTom. Allons explorer toutes les routes d'Europe et ça sans frais de roaming. Oh, la route est à nous maintenant. Ah, je me sens comme un touloutou. C'est magique, je sens des... déjà le vent souffler dans mes cheveux. Ok, je remonte la vitre. Tom Tom, prenez goût à la conduite prioritaire. Rendez-vous chez Crefel et découvrez la sensation Tom Tom avec l'infotrafic en temps réel. Avec l'ING Lion Account gratuit, imaginez vos vacances avec 2 500 € en plus. De quoi passer de... Bienvenue au camping de la Sainte-Pinède. Ah ? Bienvenue au château de la Sainte-Pinède. Ouvrez votre compte à vue ING gratuit avant le 2 août et tentez de gagner 2 500 € en chèque voyage. Infos et conditions de l'ING Lion Account et de la Tombola sur ing.be. Couleur Café, il y en a qui aiment et d'autres qui adorent. Oh, c'est tellement plus qu'un festival. C'est un festival qui me va trop bien. C'est tellement fort. Et puis le soleil, les gens, tout ça. Non, c'est cette pudeur dans l'art. J'adore l'humanitaire en fait. Mais qu'est-ce que tu racontes? Quelle que soit la raison qui vous amène à Couleur Café, l'Astib vous ramène gratuitement. Bruxelles, c'est nous tous, l'Astib. C'est moi, Hip. Les quarts de finale, une formalité pour nos Diables Rouges. Alors vite dans votre hypermarché Carrefour et recevez un pass de la victoire. Et si les Diables Rouges se qualifient pour les demi-finales, vous gagnez une réduction de BAM 10% sur vos prochains achats. 10% Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. Voir conditions en magasin. Evan et la tribu, 6h-9h sur Fun Radio. Why I'm out to work. Not say your day. Doing better. Se non vuoi partire io, da vetto ne feo. Se non sa neanche io. Se ne ban. E da non si sbans, ban, dan, dan. Bet you wanna taste it. Bun bun, bet you wanna taste it. Get the chitty done, done, done. Bun bun, evidence is buns, bun. Done, done, bet you wanna taste it. Bun bun, bet you wanna taste it. Get the chitty done, done, done. Sur Fun Radio avant 9h. Alors là vous allez kiffer. Genre vous êtes en mode été, vous partez à la plage, vous êtes en voiture cabriolet BMW volée par Khalid par exemple. Vous ouvrez la capote et vous êtes quoi, sur une série 3, une 320D par exemple, et vous montez le son et vous envoyez ceci, Drake. C'est con des fois que ça suive pas en technique, ouais. T'as toujours un petit blanc derrière. Alors la séquence qui va arriver maintenant. Je vous l'ai promis depuis le début de l'émission, il y a peut-être ceux et celles qui viennent de nous rejoindre à l'instant. On va vous parler des voix antennes. Justine, quelles sont les voix antennes? Que pourrais-tu expliquer aux gens pour expliquer ce que sont les voix antennes pendant que tu es en train de faire l'andouille avec Sandro? Ce sont les voix off, les doublures, on va dire, un peu comme dans les films, bah, par exemple, américains ou anglais, il y a toujours des voix françaises. Mais par exemple, la voix de Fun Radio, c'est la voix aussi de la doublure de Leonardo DiCaprio. Voilà, c'est Damien qui se prénomme, et la voix féminine, c'est Audrey, et qui n'est pas du tout Audrey de la Happy Hour. Non, ça n'a rien à voir. On a une Audrey dans la Happy Hour et une Audrey qui est donc la voix féminine de Fun. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai réussi à récupérer une séquence où, en fait, ce jour-là, la voix de Fun est enrhumée. Extrait 1, donc Audrey est très enrhumée. Elle a une bonne crève et vous allez entendre qu'en début de séance, elle peine déjà pas mal. Et il faut le dire, la voix n'est pas très très crédible pour les coups. Écoutez. Fun Radio à l'heure de l'euro. Fun Radio soutient les diables. Fun Radio à l'heure de l'euro. Euro 2016, tous derrière les diables. Bon, vous entendez déjà, elle parle grave ouais, du nez. On sent qu'elle n'est pas en forme. Bonjour, je parle du nez. Et à la fin de cette séquence, elle va bien se lâcher en termes de « J'essaye de remettre tout à l'intérieur, je ne vous en dis pas plus. » Écoutez. Délirer en famille ou entre amis, c'est uniquement sur Fun Radio. Délirer en famille ou entre amis, c'est uniquement sur Fun Radio. Le son Dance Floor. Oh là là. Bon appétit. Je l'avais dit, elle tente de remettre tout à l'intérieur parce que ça la gêne beaucoup. Il faut savoir qu'une séance d'enregistrement, ça peut durer jusqu'à une heure, voire une heure et demie. Donc la séance d'enregistrement continue. Audrey peine toujours autant et va même commenter la situation. Ça se gagne uniquement sur Fun Radio. Le son Dance Floor. Oh, c'est horrible. Attends, je vais Mais entendez ce qu'elle a dit, attendez. C'est horrible, attends, je bois. Alors c'est de pire en pire, renifler, vous l'avez entendu, ça marche pas. Boire de l'eau non plus, donc du coup le mieux, eh bien, c'est d'essayer de se moucher. Plonger la tête d'un animateur radio. Plonger la tête. Plonger la tête d'un animateur. Au secours, attends, je me mouche. On entend les morceaux. Ah oui, elle est pas toute seule, hein. Et alors, vous savez, quand on est enrhumé, eh bien, prononcer des titres en anglais, c'est loin d'être évident. Extrait avec Audrey. Selena Gomez. Kill him with kindness. La pauvre. Dernier extrait pour terminer. Et bien toujours enrhumé, Audrey annonce un titre en reniflant et c'est encore plus classe. Écoutez si c'était comme ça dans la journée. Milo, Holding at the Moon. La pauvre, quand même, c'est Laura. Voilà, je sais qu'elle va beaucoup m'en vouloir, mais je ne pouvais pas passer à côté en même temps de cette séquence où, en plus, ce jour-là, il faut savoir que Damien lui était malade. Donc, on n'avait pas le choix de prendre Audrey parce qu'on n'avait qu'une seule voix antenne ce jour-là qui pouvait faire l'enregistrement. Elle a réussi tant bien que mal, mais chapeau l'artiste, j'ai envie de dire. Allez, 8h49, dans un instant, Drake sur Fun Radio pour la suite du son. À tout de suite. Écoutez, ça s'est passé dans la libre antenne sur Fun Radio. Allô, allô. Oui, bonsoir, c'est pour dire que j'arrive à rapporter l'argent que je dois. Pardon? Oui, mais votre mari m'a prêté de l'argent et je l'apporte dans 5 minutes. Écoutez, là, vous faites sûrement une erreur, hein. Mais j'arrive, je le dépose, ça va? Pardon? Je l'apporte, je suis là dans 5 minutes, c'est pas grave. Tous les soirs, dès 20h, c'est Libre Antenne avec Vince sur Fun Radio. Fun. Fun Radio. Away. Think about you every day. Try so hard to live without, but no mas. Sunshine is shining far away. Bird's eyes is looking out, and they can see that you're mine. 'Cause when we're together, your love is controlling my brain. Like plunging inside of that fire I cannot contain. Our love is like a heat wave.

avec Perfect Strangers. L'équivalent de mon anglais. Perfect Strangers. Mon dieu. Tiens, Sandro à l'area. 1, 2, 3. Sandro à la glande plutôt cette semaine parce qu'il a pas beaucoup de manettes dans les mains. C'est ça. Vas-y, fais-le le Perfect Strangers. Perfect Strangers. Ah, c'est pas trop mal. Yeah. Du Stein. Perfect Strangers. Ah, mais t'es totalement américaine, toi. American. Khalid, du jambe. Perfect Strangers. C'est l'anglais marocain, ça. Et toi, le Carolo. Perfect Strangers. Oh putain. Strangers in the night. Il s'enflamme, il s'enflamme. Perfect Strangers with a stranger in the night. Le karaoké. Ouais, c'est ça. Donc, alors, il y a plein de messages qui sont arrivés par SMS au 3044 pour nous dire où vous allez partir en vacances. Globalement, c'est marrant parce qu'il y a beaucoup l'Espagne qui revient. Karine qui nous dit merci les rondelles pour le petit-déj. Gros bisous. Je suis pas tranquille pour l'été, moi, Evan. J'ai des examens de passage. Evan, je repars une semaine à Ibiza en mode fiesta. Gros bisous à l'équipe, bonnes vacances. C'est Isa qui nous dit ça. Et puis quelqu'un me dit salut toute l'équipe, moi et ma compine. On part en République Dominicaine, on part le 4 juillet. J'ai jamais été, ah oui, il paraît que c'est super bien la République Dominicaine. Parlant justement de l'Espagne, on va revenir sur le match France-Italie. Ouais. Qui, est-ce qu'on a retrouvé le mec qui a vomi sur les maillots espagnols? Pourquoi? Non, je les ai pas vus. Ah, en fait, on dirait des petites Doritos ou des tortillas. C'est avec un peu de cheddar dessus. Sérieux? Je te jure, c'est dégueulasse. Ah, j'ai pas vu ça. Je vais aller voir les photos. Qu'est-ce qu'il fait dans ces cas-là? C'est toujours un équipementier genre Nike ou Adidas qui fait les maillots ou c'est... Bah, ouais. Oui, bah, ça dépend. Il y a Puma aussi qui a eu une grosse polémique parce que c'est leur maillot en pas tenu. Ils ont fait des les maillots en papier là, ils ont déchiré. Là, c'est tous. Ah oui, j'ai... 13 maillots déchirés le même match quoi. Tu sais quoi, 13 maillots déchirés. Moi j'ai vu ma femme qui fait oh putain, il est beau gosse lui. Là, genre, c'était l'occasion pour les filles quand même de théma un petit peu. 8h57, voici Jonas Blue sur Fun Radio. Et quoi comme titre déjà, Jean-François? Perfect Strangers. Comment tu dis, Justine? Perfect Strangers sur Fun Radio. C'est pas la meilleure, mais c'est pas la plus nulle non plus. You were looking at me like you wanted to stay. When I saw you yesterday, I'm not wasting your time, I'm not playing no game. Yeah. Who knows the secret tomorrow will hold? We don't really need to know. 'Cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not for. Feeling this way, there's so much we can't explain. Maybe we're helping each other escape. I'm with ya. Who knows the secret tomorrow will hold? We don't really need to know. 'Cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't want you to go.

des gestes que je n'ai pas su t'accorder. Oui, je sais que c'est la vie. J'ai choisi de t'aimer. J'aimerais que tu reviennes. Tu reviennes. Tu sais, je ne suis qu'un homme. Des erreurs, j'en referai. Te souviens-tu du temps où tu ne savais pas qui j'étais? Un homme imprévisible, c'est tout ce dont tu rêvais. Dis-moi que tu m'aimes. Que tu m'aimes. C'est la vie. J'ai trahi. Et ça m'a fait grandir. J'en perds ma taille. Et dans la nuit, je vois que tu souris. Écoute-moi, je t'en prie. Tu as le plus beau des charmes. Mi amor, por favor. Mi amor, por favor. Mi amor, por favor. Mi amor. Mi amor, por favor. Mi amor, por favor. Mi amor, por favor. Mi amor. Ma quand t'avais raison, c'est comme ça que je t'aime. Mais tes souvenirs me hantent. La nuit dans mon sommeil, j'en deviens somnambule. Et je t'avais pris pour acquise. Tu m'as tourné le dos, j'avais cru soumise. Tous ces mots sonnent faux, et quoi qu'on en dise, je suis ton héros. Aujourd'hui tu me fuis, tu me fuis. C'est la vie, j'ai trahi. Et ça m'a fait grandir. J'en perds ma taille. Et dans la nuit, je vois que tu souris. Je t'en prie, tu as le plus beau des charmes. Mi amor, por favor. Mi amor, por favor. Mi amor, por favor. Mi amor. Mi amor, por favor. Mi amor, por favor. Mi amor, por favor. Mi amor. J'aimerais t'enlacer. Tu me dis que ce n'est pas assez. Je marche derrière elle, son doux parfum. Ce n'est pas assez. J'entends sa voix si belle au timbre angélique. Radio, nous sommes mardi le 28 juin en direct du club Bellambra de Seignos les Tuquets toute cette semaine pour fêter les vacances avec vous et on a des beaux cadeaux à vous offrir puisque dans 3 minutes, écoutez ce que vous allez pouvoir remporter, il vous reste donc 3 minutes pour vous inscrire. On vous offre des chèques cadeaux de 200€ pour que vous puissiez repartir avec vos baskets Nike et des baskets personnalisées, c'est-à-dire que vous pouvez simplement mettre la couleur que vous voulez, les adapter à votre pied ou bien même écrire des choses. Votre prénom par exemple, voilà. Ou un poème comme vous voulez pour jouer, vous vous inscrivez par SMS et si jamais vous êtes... Si Ribéry écrit un poème, ça peut tenir sur des baskets. Hein, ouais, donc, Justine, comment on fait pour participer? Il suffit d'envoyer le code Nike, N-I-K-E, par SMS au 6322. C'est 1€ par message. Alors, vous êtes au courant, forcément, je le suppose, que l'Islande, hier, a dégagé l'équipe d'Angleterre. J'ai même, moi, mis sur mon Facebook perso que je supportais l'Islande. Alors, on m'a demandé pourquoi je supportais l'Islande. Mais tout simplement parce que c'est un pays outsider. Que j'aime bien la mentalité, j'aime bien la mentalité des supporters. Ouais. Je dirais que je mettrais les supporters en numéro 2 après les supporters irlandais, dans leur fair play, dans le fait que les mecs sont vraiment très chauvins, mais de manière très très très positive. Dans le même classement, par exemple, j'aurais mis les Russes en tout dernier, mais l'Islande, je les aime bien. Et quand j'ai regardé le match hier, moi qui suis pas un connaisseur de foot, je me suis dit, t'as les mecs, ils en veulent. C'est-à-dire que vraiment, les contre-attaques par rapport aux Anglais, etc., les mecs avaient juste la niaque. Et alors, il y a un chant qu'on a découvert, c'est le chant des supporters en lien avec leur équipe qu'on a trouvé sur internet ce matin. Jean-François, est-ce que tu veux bien nous faire écouter ce que c'est? Baissez un peu la musique. Écoutez cette ambiance. Ils sont face à leur public. Écoutez ce qu'ils font. C'est un espèce de hackade au football. Écoutez ça, ils font ça. C'est tout le public et les joueurs. Ils se cachent. Ça dure longtemps ou pas? Encore quelques secondes. Bon, c'est marrant parce que le son hors antenne était beaucoup mieux que le son balancé à l'antenne. Bon, bref, ça donnait pas ce que je voulais à l'antenne à cause du, peut-être du traitement. C'est pas grave. En tout cas, je les salue, cette équipe d'Islande. Ah, cette ambiance. Qui retrouvera l'équipe de France. C'est donc dimanche, ils jouent. À quelle heure? Dimanche, c'est 21h au stade 21h. Merci infiniment. 9h11, je salue Lloyd qui débarque ce matin jusqu'à 13h avec toutes les heures, plus de 40 minutes de son dance floor non-stop. Bonjour Lloyd. Bonjour Evan. Lloyd, étais-tu pour l'Angleterre ou étais-tu pour l'Islande hier soir? J'étais pour l'Angleterre. Et pour quelle raison? Tiens, dis-moi toi un peu tes motivations, parce que c'est le gros débat un peu partout ce matin, la parce machine à café dans la voiture. L'Angleterre était la plus... c'est plus possible que pour l'Angleterre batte la France en fait. Ah oui, d'accord. Donc tu penses que... Oui, si l'Angleterre était passée, les Français a priori ne seraient pas passés, ce qui aurait laissé plus de place pour les Belges. Exactement. Je sens bien ta logique du sportif, Lloyd. Bravo, félicitations. Dans un instant, qu'est-ce que tu nous as calé pour le son dance floor avant qu'on offre Milo, des... Howling at the Moon. Oh oui, qu'est-ce qu'il y aura d'autre? Il y aura Lady Gaga, il y aura aussi Cachemire. Ah, tu m'as calé. Ah, ça c'est cool, il m'a calé du Cachemire. Alors, Lloyd, on va offrir maintenant l'échec cadeau d'une valeur de 200€ pour personnaliser des Nike. Vous êtes inscrit en envoyant Nike par SMS au 6322, 1€ par message. Et le truc important, c'est qu'on peut personnaliser les chaussures. Tu mettrais quoi, toi? Je les mettrais en couleur de fun radio. Non, couleur de fun radio. Ça pourrait être top, ça. Hein. Ouais, c'est des jolies couleurs en plus. Ouais. C'est vrai que les mecs qui ont fait le logo fun, c'était il y a une dizaine d'années, quoi. Après, il a un peu évolué, mais les couleurs de base, franchement, c'est des belles couleurs. Elles nous ressemblent bien, elles sont gays. Yes. Ouais, c'est vrai que ça te ressemble bien. Merci. Est-ce que je suis gay? Ouais, un peu. Je suis happy, toujours. Oh, les bicurieux. C'est pas ça pareil. Important. Oui, en termes de bicyclette. Allô? Allô, bonjour, quel est ton prénom? Allô? C'est pas une blague. Bonjour, quel est ton prénom? C'est qui à l'appareil? Bah, c'est moi! Tu m'en connais pas? Non. Ah, je le sens mal. Ah là. Tu n'aurais pas par hasard participé à un jeu radiophonique qui te permettrait de repartir avec des cadeaux? Tu vas me dire non, tu vois. Non? Oui. Eh bien, écoute. Ah, bon, alors le truc, c'est qu'il va falloir que tu devines quelle radio. Si t'as joué avec plusieurs radios. Fun Radio. C'est gagné. Ouais, yeah. Okay. T'as à deux doigts de les perdre, hein, tes pompes. Ah ouais, j'ai failli raccrocher parce que le règlement est très strict. Alors du coup, on va se présenter. Moi, je m'appelle Evan, comme tu voulais pas me donner ton prénom. Et toi, c'est comment? Oui, je vous entends mal. Désolé. Bon, eh bien, ça sera je t'entends mal, désolé, tu repars avec ce cadeau. Je t'entends mal, désolé, tu repars avec 200€ pour t'acheter des Nike. Félicitations. Yeah. Bravo, je t'entends mal, désolé, félicitations. On remet ça demain matin, les doudous, à partir de 6h. Accroche pas, je te repasse ce Yolande qui elle aussi va sans doute te dire je t'entends mal, désolé. Il est 9h13 sur Fun Radio. Petit déj gratos sur Fun Radio. Avant de se dire au revoir, rappelons alors cette belle, magnifique opération petit déj gratos aujourd'hui grâce à Red Market, un partenariat qu'on a fait avec eux. Et depuis 7h ce matin, c'est dans pas moins de 10 villes que vous pouvez vous faire payer le petit déj gratos partout en Wallonie. Ouais, on est dans toute la Wallonie, vous allez dans les Red Market de Jean Blou, de Andenne, Jemmeppe-sur-Meuse, Jemmeppe-sur-Sambre, Carnion, Gosly, Verviers, Moucron, Couillé ou encore Fontaine-l'Évêque. Vous allez de la part de Fun Radio et puis vous repartez gratuitement avec une viennoiserie au choix. C'est jusqu'à 10h, tous les détails sont sur le Facebook de l'émission Evan et la tribu. Avant de laisser la place à Lloyd et le son de Milo qui va arriver à 8h45 ce matin, je vous ai écouté des séances d'enregistrement des voix officielles de Fun Radio, notamment la voix féminine qui est Audrey. Et justement, dans une de ces séances, Lloyd, elle annonçait le son de Milo, mais avec un gros rhume. Écoutez ce que ça donne. Milo, holding at the moon. Voilà, tout en reniflant. La pauvre. Faut que je remercie hein, quand même les équipes de Fun Radio France qui font ces enregistrements et qui nous ont permis d'obtenir le off de la séquence. On sera là demain matin à partir de 6h. Bisous tout le monde, voici Lloyd sur Fun Radio. Gros bisous Van, on est parti jusqu'à 13h sur Fun Radio. Cachemire dans un instant, Lady Gaga également. Voici donc le son de Milo, Howling at the Moon sur Fun. Where did the summer go? I found it in Monaco. Dancing in Mexico, sushi in Tokyo. I wanna be where you are, driving a classic car. Cuba is not so far, I can bring my guitar. Meet me at the sunset, summer will be over soon. I'll see you when you get there, but until we get there, we'll be high.

Vous écoutez Fun Radio. Fun Radio. I come around the turn and people stop and stare. I'll make a killing from this change. Snake eyes and sevens, you can feel it in the air. You see your fortune and your take a spin, wanna take a roll. You know you're dealing with the wild card. If you go all in, I'll make your troubles fall. Might take your diamonds, but I'll steal your allez, on est parti ensemble jusqu'à 13h sur Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Et là tout le monde, c'est Lloyd, très content là de vous retrouver hein, sur Fun Radio. Mardi matin quand l'on passe ensemble, j'espère que le réveil s'est bien passé avec toute l'équipe hein, d'Evan et la tribu. Moi je vous accompagne jusqu'à 13h sur Fun Radio avec tous vos artistes dance floor préférés. Dimitri Vegas et Like Mike, Ross Ineski des Trackstorm ou encore Face et Afrojack. J'attends tous vos messages hein, par SMS 3044 pour 50 centimes par envoi ou encore sur mon mail lloyd@funradio.be. C'est hey pour la suite du son sur Fun. Avec Fun Radio, gagnez votre enceinte portable Bluetooth UEROL. Fun Radio. Toute la semaine, écoutez l'Happy Hour avec Audrey et gagnez votre enceinte portable Bluetooth UEROL au son incroyable à 360 degrés. Étanche et ultra puissante en envoyant Summer au 6322. Un nouveau message. Les cadeaux les plus fun pour les vacances, ça se gagne uniquement sur Fun Radio. Le son Dance Floor. Proximus présente Full Control. Parce que même ceux qui pensent gérer à mort... Il fête son anniversaire dans un karaoké. Ouais, je te préviens, moi je chante pas. Hein. Ah bah moi non plus. Abuse parfois un peu. Si on pouvait s'aimer pour toujours. Alors Proximus lance un nouvel abonnement GSM, Full Control. C'est tous les avantages d'un abonnement, mais sans jamais dépasser ton budget. Info sur proximus.be/full control. Proximus, infiniment proche. Un site d'offre d'emploi traditionnel sait que vous recherchez un poste d'employé à 10 km de chez vous et que vous parlez français, néerlandais et anglais. Notre consultante de Randstad en sait beaucoup plus. Juliette, elle veut travailler au sein d'une petite équipe. En fait, elle déteste les grands bureaux paysagers et son mercredi de libre, c'est sacré. Derrière notre moteur de recherche rigoureux se trouvent des consultants Randstad sérieux. Prenez rendez-vous pour un entretien personnel. Jetez un coup d'œil sur randstad.be. Randstad, good to know you. En été, Michel, ornithologue amateur... Oh, le joli Philoscopus colibita. ...apprend les chants d'oiseaux. Et Michel oublie de jouer au loto. Quoi ? Oh non ! Cet été, ne manquez aucune chance de devenir millionnaire. Jouez pour 8 tirages dans un point de vente participant et recevez 2 tirages supplémentaires gratuits. Action valable jusqu'au 30 juillet. To the left, yeah. Said her name was Delilah. And I'm like, you should come my way. See that? Yeah. Hey, I already surrender. Damn girl, that body's fire. You gon' remember my name. And made up. Get on top of me and walk up a sweat. Walk up a sweat. Come. See, we can do it any type of way that you want. I'm thinking maybe you're the right kind of wrong. I'm saying, baby, you won't ever forget my love. Sur Fun Radio. FaZe et Afrojack. Tous les nouveaux sons démarrent sur Fun Radio. Fun Radio, le son dance floor. See the look in your face, telling me a story. You don't have to be alone. I love to see you smiling. Why you try to hide it? Don't you know you've got it all? Hey, would you come with me? I say, hey, hey, hey, hey, hey, would you stay with me? I say, hey, hey, hey, hey. I say, see Would you stay with me? I say, hey, hey, hey, hey. I say, Fun Radio. Naskid et Amine. Fun Radio. Sera-t-il du lendemain?